Bernard. J'ai l'immense bonheur, l'immense honneur, l'immense privilège ce soir d'être entouré de Fred Savard. Bonsoir. Olivier Niquet. Salut. Jean-Sébastien Girard. Ah, mon bon Jean-Philippe. Et de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Ah, mon Dieu, les gens se sont arrêtés d'applaudir au bon moment. Ça, c'est le signe d'un bon public. Oui. Hein? Et d'un public dominical, quand même. Oui. Hein? Notre première émission du dimanche. Une émission qui sera moins drôle, je pense, par définition. Ça dépend pour vous. Ben, c'est ce qu'on nous a demandé. Le dimanche, oui, on retourne au travail. Ouais, ouais. Donc, c'est plus austère. Ah, ben oui, c'est correct. Ouais. Vous avez passé un beau samedi austère, Fred? Non, du tout. C'était très agréable. Ah oui? Ouais. Vous avez fait votre ben, samedi? Après l'émission, j'étais brûlé, évidemment, parce que 2 heures de radio, mon Dieu, c'est ben pas oui, facile. Non, et j'étais allé à la maison et j'ai regardé, j'ai revu un vieux film de Deliverance. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, des années 70. Bon, ça vous dit rien, évidemment. C'est l'histoire de deux citadins qui s'en vont dans les Appalaches, hein? Je crois, descendre une rivière et sont entourés de consanguins. C'est un excellent film avec John Voight, qui est le père de... Ben, non, du tout. Et okay. Burt Reynolds, pas de moustache. Moustache, oui. Mais oui, c'est un bon film. Mais je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout, je me suis endormi parce que j'étais brûlé. Ben, je comprends donc. Ben oui, pour être en forme aujourd'hui. Ben oui, totalement. Vous savez, ce petit segment-là, c'est pas obligé d'être la vraie vie. Hein? Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment regardé Deliverance. Que ça soit plus intéressant. Vous savez, c'est la scène avec le banjo, là. Ah, c'est intéressant. Ouais, voilà. C'est intéressant. Jean-Sébastien? J'ai fait sensiblement la même chose que Fred Savard. Ah, mon Dieu. Je me suis vautré dans la culture. Alors, hier soir, j'ai fait un tri. Oui, parce que nous sommes. Quoi? Des gens de culture. Des X, évidemment. Et, bon, on le sait, on va se le dire franchement, Jean-Philippe, vous vous êtes littéralement planté hier dans votre entrevue avec Stéphane Lafleur, mm-hmm, qui est venu nous présenter son film, envie d'être ailleurs. Nicole. On est extrêmement inconfortable. Ouais. Bon, vous avez dit à Stéphane Lafleur que vous ne compreniez pas qu'il n'y ait pas d'intrigue, qu'il n'y ait pas de punch, ouais, dans son film. Hey. Vous ne compreniez pas non plus l'utilisation du noir et blanc. Ouais, on était très mal à l'aise. Alors, je me suis dit, évidemment, vous avez besoin d'un parrainage culturel, d'un parrainage cinématographique. Mm-hmm. Et j'ai envie de vous prendre en main un peu de la même manière que Yann Martin. Oui. Avait pris en main il y a quelques années notre bon premier ministre. Oui. Ça a bien fonctionné. Oui, ça a fonctionné. C'était extraordinaire. Il lui a fait parvenir donc ponctuellement à des ouvrages ben oui, qu'il annotait, etc., mm-hmm, etc. Donc à partir de maintenant, oui, je vais inaugurer un petit segment qui va s'appeler « Il y a eu des bonnes affaires avant vous, maudit Y à marde ». Et donc, je vais vous présenter comme ça des œuvres qui ont jalonné l'histoire du cinéma mondial. Et je vous prête donc cette semaine un excellent film qui s'appelle, vous connaissez ça, ben sûrement, oui, voilà, bon ça s'appelle choix. « La règle du jeu ». Prenez-le. Vous allez l'écouter cette semaine, le commenter. Mais faites attention, c'est un film en noir et blanc. Vous risquez d'être très déstabilisé. Ah, c'est Jean Renoir, le oui, peintre. Oui, Jean Renoir, pas le peintre, c'est le fils. Son deuxième fils. Ben, je pense que les gens à la maison avaient deviné. Ouais, effectivement. Alors, on est en 1939. D'accord. Une très, très belle peinture des blancs, de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Mon Dieu, c'est niaiseux. C'est-tu niaiseux? Alors, on est à la fin des années 30. Uh-huh. Un regard très critique, mais empreint d'humanité, Jean-Philippe. Vous allez adorer ça. Aujourd'hui, c'est considéré vraiment comme un des meilleurs films. Bon, non pas seulement de Renoir, mais un des meilleurs films au monde. Et il y a plusieurs cinéastes qui répondent de l'influence de ce film-là. On parle François Truffaut. Ah, ben oui, on Truffaut, perd des gens dans la oui, foule. Truffaut, qui, vous vous souvenez sûrement ce qu'avait dit Fred à propos de ce film-là? Ben, vaguement. Vaguement. Bon, en fait, il avait dit « C'est le credo des cinéphiles ». Le film des films. Alors, si vous désirez savoir c'est qui Truffaut, vous faites Google. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire credo, vous faites Google. Merci Jean-Sébastien, c'est plaisir, très agréable. J'imagine que ça se recycle, ce film-là, ça te rend en plastique. Ça vaut une fortune. Ah, d'accord. Olivier? Mais moi, hier soir, j'ai lu un article de Popular Science qui répondait à la question existentielle « Est-ce qu'être cannibale pourrait rendre obèse? » Donc, est-ce que manger du monde, ça rend gros? Selon le magazine, on apprend que le corps humain équivaut à environ 81 500 calories. C'est très, très pertinent. Donc, 1800 pour un bras et environ 7150 pour une jambe. J'aurais pensé plus. Mais selon Popular Science, ça dépend vraiment des portions que vous prenez, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça qui se passe. Alors, avis aux cannibales à l'écoute, si vous mangez une jambe d'une chanteuse anorexique, c'est OK, mais avec une fesse d'un ministre corpulent, ça risque d'être plus difficile de garder votre ligne. Mon Dieu. On n'est pas obligé de manger la personne toute la même fois aussi. On peut faire plusieurs repas. Ben, on peut faire des bouillies, des ragoûts, on congèle. Ouais, voyons, mais sinon, hier soir aussi, j'ai lu les commentaires des gens sur notre émission. Ah, oui, là, c'est assez diversifié. Il y a des gens qui trouvent que c'était mieux le vendredi, d'autres qui trouvent que c'est mieux la fin de semaine. Il y a des gens qui trouvent qu'on n'est pas assez sérieux, d'autres qui trouvent que ça manque de jokes. Il y en a qui trouvent qu'on fait de l'humour pipi-caca, d'autres que c'est trop pointu. Ah, puis il y en a qui disent qu'il y a trop de bruit de fond, d'autres qu'il n'y en a pas assez. Fait qu'au final, je pense que la majorité silencieuse trouve ça parfait. Ben merci beaucoup, Olivier. Eh ben, pour ma part, je suis allé voir Le Roi Lion. Alors, ceux qui disent que j'ai pas de culture, c'est du théâtre. Hein? Et chanter Hakuna Matata, c'est toujours le fun. Ah, sachez-le. Hey, on a des invités ce soir. On commence avec André Robitaille, notre premier invité de la première heure. On est très heureux. Vous pouvez l'applaudir très fort parce qu'il est arrivé tôt pour boire son gin tonic avec nous. Oui. Et en deuxième heure, on a Martine Ouellet également, l'ancienne ministre et toujours députée. On est très content de recevoir Martine Ouellet. Merci énormément de venir nous voir. Mais avant toute chose, c'est important. Allons rejoindre notre salle de nouvelles portative. C'est interminable, hein, ce thème-là? Oui. Alors, Frédéric Savard, de nouvelles données du ministère de la Santé du Québec démontrent que plus de 370 000 Québécois sont toujours en attente d'un médecin de famille. Oui, ces chiffres ont été publiés vendredi. On y apprend que c'est la Montérégie qui est en première... C'est ma voix de nouvelle. C'est la Montérégie qui est en première place avec 69 000 patients sans médecin. On y apprend également que le docteur Yves Bolduc estime que si les gens lisaient moins, ils seraient moins malades puisque les enfants qui n'ont pas de livres ne meurent pas. Ah, ça, c'est vrai. Merci, Fred. Les vidéos de personnalités publiques qui s'aspergent d'eau glacée pour amasser des dons pour la maladie de Lou Gehrig pullulent sur les médias sociaux et s'inspirent d'autres maladies. Hein. Oui, depuis hier est apparu des vidéos montrant des gens récitant le plus de décimales possible dans le nombre pi pour sensibiliser la population à l'autisme. Et on a vu des gens s'asperger d'acide à batterie pour dénoncer la petite vérole qui fait encore des ravages. Et on a même vu des gens se filmant en train de faire du car surfing. Oui, ça, c'est pour sensibiliser la population au douche-baguisme, une maladie qui frappe surtout les jeunes hommes et qui les pousse à s'acheter une Honda Civic et déménager à Laval. Oh. Affligeant. Toujours dans le domaine de la maladie, il y a l'éditeur Michel Brûlé qui veut devenir chef du Parti québécois. Oui, après avoir tenté de remporter la mairie de Montréal, il veut maintenant diriger le Parti québécois. D'ailleurs, on se demande qui de Michel Brûlé ou du PQ est le plus pathétique dans cette histoire. Toujours dans le domaine du pathétique, le chef du Bloc québécois, Mario Beaulieu, estime que tout va très bien dans son parti, malgré le départ récent de deux députés. Oui, c'est sans compter Lucien Bouchard qui a affirmé que le Bloc québécois n'était plus pertinent et diluait le pouvoir du Québec à Ottawa. Oui, on dit de Mario qu'il n'a même plus de caucus dans son parti, c'est rendu un monologue. Il a quand même affirmé sur nos ondes, à Marie-France Bazot cette semaine, qu'il ne fallait pas jeter les bras. C'est vrai. Et qu'il demeurait... Il a dit ça pour moi. Ouais. C'est un mignon d'optimisme. Et on ne peut que lui souhaiter que des personnalités publiques se filment sur Facebook en train de se crever les yeux pour le sensibiliser à l'aveuglement volontaire. C'est la huitième campagne nationale de vaccination des ratons laveurs et des moufettes contre la rage qui se déroule partout au Québec. On n'en parle pas beaucoup, mais la rage fait des ravages. On n'a pas enrayé ça. Et on procédera à l'épandage d'appâts vaccinaux, comme des petites boules blanches, là, un peu partout dans les forêts et dans la campagne québécoise. Merci. Si les résultats sont probants, on aimerait beaucoup que l'épandage des vaccins s'étende au studio de Sun News et à Richard Martineau. Oh. Eh bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, Fred. Oui. Olivier, l'Internet? Oui, et c'est drôle que ça finisse avec Richard Martineau parce qu'il a fait les mêmes jokes que Fred cette semaine sur Facebook. Pour vrai? C'est sur vrai? La maladie de Lou Gehrig. Ah. Il est sûrement moins coûteux que vous. Peut-être. En tout cas, vous pouvez vous rendre sur notre site radio-canada.ca/la soirée où vous trouverez un formulaire pour assister à l'émission en direct de la microbrasserie Elm au 273 Bernard Ouest à Montréal. Vous trouverez aussi un lien pour la balado-diffusion et vous pourrez réécouter l'émission ou des segments de l'émission grâce à l'audiophile. D'ailleurs, plusieurs personnes nous ont écrit pour dire que l'audiophile d'hier, ben, ça ne marchait pas, ça présentait un vieux bulletin de nouvelles de RDI. c'est un autre genre. Ça a été réparé. Je ne sais pas. Non. Je crois que ça fonctionne toujours. Mais l'équipe technique de Radio-Canada est sur le dossier. Ça va se régler. En fait, Steve. C'est ça. Il est sur le dossier. On est sur twitter.com/lasoirée, aussi sur facebook.com/lasoirée est encore jeune. Et les gens peuvent nous écrire par courriel à lasoirée@radio-canada.ca. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, poser des questions. Et vous pourrez aussi répondre à notre question du jour en utilisant le mot-clic « la soirée ». Et la question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que vous comprenez quelque chose au projet de loi loi 3 sur les régimes de retraite? Et si oui, pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Ah, ben c'est si bien demandé. Émission de service. Ah, merci beaucoup, Olivier Niquette. Jean-Sébastien Girard, vous vouliez pas demander aux gens Oui, mais toujours la même chose pour moi. Je vous invite à nous envoyer vos questions pour les invités qu'on a ici. Évidemment, bon, j'ai reçu des courriels hier pour me dire, bon, les questions sont souvent pernicieuses, un peu méchantes et tout. Alors, peut-être si vous avez des courriels gentils, des témoignages intéressants pour nos invités, ça serait sympathique. Oui. Alors, si vous avez des questions, André Robitaille, qui sera notre invité tantôt, oui. Je vais les lire à la fin de cette première heure-là. Alors, vous nous envoyez vos questions pour André Robitaille à lasoirée@radio-canada.ca. Je vous reviens à la fin de l'heure, Jean-Philippe. Bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien Girard. Merci. Fred, présentez-nous notre premier invité. Il revient à la barre d'entrée principale sur les ondes de ICI Télé, mais surtout, il animera les enfants de la télé également sur nos ondes. Accueillons l'immortel André Robitaille! Wow! Wow! Bon, réglons ça, réglons une chose immédiatement. Immortel. Ah mon Dieu, vous avez trois micros, André. Ben, il y a trois micros sur la table, je sais pas quel branle, alors... Je me sens important. On est en rodage encore. Ouais, attends, un, deux, un, deux. On prévoit d'ici Noël là, que tout va couler. Je pense que le jaune fonctionne, André Robitaille. Ah, oui. Voilà. Alors, réglons tout de suite une chose. Fred vient de vous nommer, vous annoncer comme immortel. Est-ce que vous êtes vraiment immortel? Non, non, je vais mourir un jour. Je l'annonce maintenant, primeur aujourd'hui. D'accord, parce que les gens allaient nous poser des questions pour ça, André. Non, non, allez, arrêtez, je vais mourir un jour. Mais je suis assez en santé et en forme, alors ce ne sera pas aujourd'hui. Mais je vous ai vu arriver en bicyclette. Oui, je voulais faire bonne impression. Ah, là. C'est ça. Il faut que je leur donne à 7 heures. C'est ça. Ben, ça a fonctionné. J'ai eu une grande impression. C'est notre premier week-end de radio et on pose la même question à tous nos invités. Ça va très bien. OK, parfait. Good. Notre deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, André? J'ai joué au théâtre. Alors, j'étais au théâtre encore hier soir. J'ai joué Dîner de con à l'Assomption, puis ça va être en tournée, donc ça, c'est la plug. Bref, c'est ce que j'ai fait cet été. Non, mais quand même. Et j'ai pris un petit recul de la télé. J'avais pas d'entrée principale, forcément. Ouais. Et puis, les enfants de la télé, on reprend le travail là, maintenant. Donc, juillet, j'ai eu congé. Ce qui fait que je me suis concentré sur le show de théâtre que je produis en plus, fait que j'avais pas mal de travail. Mais là, attendez un peu. Je me rappelle que vous étiez venu nous parler de votre pièce, le Dîner de con. Oui, madame. Juste avant la fin de notre saison. Oui, madame. Vous aviez dit de cette pièce de théâtre que vous l'aviez adapté un petit peu pour le public québécois. Ça se passe à Outremont. Exactement. Au lieu de se passer à Paris, évidemment, ça se passe à Outremont. Fait qu'il fallait qu'on comprenne que ça se passe chez nous. Mais là, les jokes que vous avez adaptés, c'est quoi? Tu te souviens dans le film Aller l'OM? Oui. Hein? Alors, c'est les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal. Ah ben, on se doute bien de ça. Hein? Let's go les Bruins. Ouais. Let's go les Bruins. Alors, il y a ça. Il y avait un moment, ça c'est intéressant, il y avait un moment sur Beau-Derek. Oui. Ah. Alors, ouais, Beau-Derek, c'est un peu loin de chez nous maintenant. C'est dans les années 90, 80. Oui. On l'a gardé en mémoire, Fred. Oui. Je sais que tu l'as en mémoire. Mais attendez un peu, il y a RBO qui faisait des blagues de Beau-Derek. Oui. Exactement. Mais ça, c'est les années 90, tu vois. Ouais. Fait que j'avais envie que 80, ça se passe ici. Oui. 80. Ouais. Alors, donc, le con, Pignon, a fait une maquette d'un pylône du verglas. Ah. Alors, vous voyez l'adaptation. Et il fallait que je trouve un nom au pylône. Juste un instant, le verglas, ça a été une grosse tempête pendant le mois de janvier 98. Nous, on a vécu juste avant les inondations Saguenay-Frette. Bon. Laissez-moi vous dire OK, les jeunes, laissez-moi finir. Oui, merci. Alors, Pignon a fait un pylône. Il fallait trouver un nom pylône, comme on donnait le nom de Beau-Derec dans la version. Oui, oui, oui. Alors, il s'appelle Donald. Donald Pylône. Ah. Oui! Ah! Et il y a un soir, Donald Pilon était dans la salle. Pour vrai? Oui, puis je ne l'ai pas appelé pour lui demander permission. Alors, il s'est entendu citer sur la scène. C'était très drôle. Et il était content. Ah, il était content? Oui, il était heureux. OK, good. Et est-ce que ça a fonctionné, cette pièce-là? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont allés voir le Dîner de con? On a la chance d'avoir des salles pleines, mon ami. On est c'est très, vrai? Très heureux. Oui, le théâtre est en santé. Cette production-là attire les gens, attire les plus jeunes aussi. Je suis très content. Alors, la salle était pleine hier. On avait 644 belles personnes. Et c'est joué où, ça? Hein? À l'Assomption, je te l'ai dit en début de conversation. Ben oui, mais à l'Assomption, c'est pas comme si je peux pas aller à l'Assomption directement. Mon Dieu, on vous apporte à boire encore. Tu veux-tu un gin tonic? Oui, s'il vous plaît. Ah, j'en ai un. Mon Dieu, merci. Pendant que vous buvez, Jean-Philippe, on dit que le théâtre d'été fonctionne pas tant que ça présentement. Comment ça se fait que vos salles sont pleines? Ben parce oui. qu'on dit que le théâtre d'été est un peu moribond, que c'est un genre qui est en train de tomber en désuétude. Est-ce que c'est le cas? Tu sais, comme moi, que c'est difficile et c'est dangereux de généraliser. J'ai pas vu tous les théâtres, j'ai pas vu tous les chiffres. Alors, il y a des théâtres qui ont très bien marché, sans doute. Chez nous, ça a bien marché. Je peux te parler de chez nous. Ça s'explique peut-être par le titre. Le titre est très populaire. Les gens ont envie, les gens ont vu le film, ont envie de revoir. Et j'ai eu la chance, Mais vraiment, ça, c'est touchant de signer des autographes après le show à des gens qui n'avaient jamais vu de théâtre, alors qu'ils ont 20 ans, alors qu'ils ont 30, ils ont 17 ans. Ils viennent au théâtre pour la première fois. Pour moi, ça, c'est gagné. Mais pour vrai, et du théâtre plate, c'est très plate et ça peut être très plate. Et ça peut faire peur. C'est toujours plate. Et quelle que soit la saison, tu as raison. Mais quand c'est bon, par exemple, il se passe quelque chose dans cette rencontre en direct-là et les gens y goûtent avec le dîner de cons. Pour les autres théâtres, j'aimerais ça te répondre mieux. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des salles où il y avait de la difficulté. Mais là, il faudrait étudier quel est le titre, quels sont les gens qui sont sur scène, quelle est la qualité du jeu qui est donné là. Et en même temps, les gens, ils tirent le diable par la queue, puis le loisir est souvent coupé dans le budget. Alors, tu sais, il y a beaucoup de raisons peut-être. Mais est-ce que c'est encore possible d'écrire des nouvelles pièces dans du théâtre d'été en espérant que ça fonctionne? J'en ai fait une cette année. C'était une reprise, par contre, mais Motel des Brumes, c'est une création que j'ai co-écrite avec un camarade qui s'appelle Jacques Diamant. On a joué ça et ça a été joué 120 fois. Et c'est une création. Je suis assez fier de cette affaire-là. Ça marche. Bravo. Je ne veux pas péter de la broue, mais c'est de la job. C'est du travail. Puis il faut savoir un peu connaître le public un peu pour viser dans le mille. Je vais me tromper un jour, mais cet été, ça a bien été. Ben, félicitations. Mais là, j'ai une question pour vous. Entre la télé, entrée principale. Mais avant ça, c'était quoi? Mais c'est du niaisage? Non, mais j'ai une question sur vos succès, André. Il y a des flops, sans doute. Entre le succès d'entrée principale, celui des enfants de la télé qui va en être un, évidemment, et vos succès de théâtre, qu'est-ce qui est le plus fatigant? Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Exigeant physiquement? À quoi l'horaire? C'est quoi ta question? Tout! Qu'est-ce qui est le plus exigeant en général? Là, je parle pas de votre vie amoureuse, du transport, du gaz que ça coûte pour se rendre. Ça va pas bien, hein? Mais non, mais c'est, qu'est-ce avec qui est le plus exigeant? Avec Stéphane, c'était pas bon hier? Ben, c'est parce que moi, je comprends pas les films en noir et blanc. C'était naïf. OK, c'était naïf. Là, je dirais... je dirais que c'est candide. Mais c'est sympathique quand même. De toute façon, il boit de l'alcool gratuit. Là. Regarde, honnêtement, moi, je fais ça pour ça. Ce qui est exigeant physiquement, c'est le théâtre. Ça demande au corps, ça demande à l'esprit. Il faut être là présent, il faut être à 110% à tous les soirs. C'est exigeant. Ce qui est exigeant à l'agenda, je pense que la télé est assez exigeante aussi, d'être on, pour l'anglicisme, mais d'être là, allumé, face à la caméra tous les jours. Une quotidienne, ça rentre dedans au niveau du sujet, au niveau de la préparation, au niveau des meetings. Physiquement, je dirais que c'est le théâtre. Et entre les deux oreilles, c'est la télé. Ben justement, j'ai eu la chance de voir quelques extraits des prochains épisodes des Enfants de la télé. J'ai rien vu, moi. Ah ben moi, j'en ai vu. J'ai même pas vu les autopromos, j'ai pas regardé la télé de l'été. Arrêtez donc, moi j'ai eu la chance de regarder une bonne minute et demie d'un genre de mash-up en français qu'on dit. Puis? Vous êtes baveux, pas rien qu'un peu. Qu'est-ce que j'ai dit? Edith Cochrane est assez rude. Elle est drôle, mais elle est très baveuse. J'ai l'impression que vous faites une équipe cinglante. Est-ce que je me trompe? Vous avez vu quoi? Une dizaine de On a quatre émissions faites et mardi prochain, j'en fais deux autres. Okay, c'est là que je suis. Okay. On a un pilote qui a précédé tout ça. Écoute, Edith est incisive, pense. Fait, Et en même temps, c'est son mandat, c'est ce qu'on lui demande. Elle l'a dans le sang aussi, elle est capable. Je trouve ça socialement très de santé d'avoir une fille dans le rôle de la baveuse. C'est vrai. Ça fait du bien. On en voit ici autour de votre table, il y en a tellement. Et puis... non, mais c'est vrai, mademoiselle. Je ne sais pas pourquoi les gens applaudissent exactement. On a tous un côté féminin quand même. Et j'ai déjà vu Fred en brassière et c'est magnifique. Ah oui, ça c'est vrai ça. Mais pour vrai, pour te répondre sérieusement, je pense que c'est son mandat, mais en même temps, elle a un esprit très vif, cette fille-là, très comique. Je suis content que tu le relèves parce qu'elle est pas juste baveuse et très drôle. Puis moi, qu'est-ce que tu veux, j'aime bien quand la rondelle se promène rapidement. On est vifs tous les deux. Fait que l'humour va avoir cette allure-là, dans le premier sens du mot, dans notre version à nous. Il y a même Richard Therrien qui a dit que franchement, ça promet. Imagine, quand nos journalistes disent ça. C'est pas rien, là. Vous le savez que les diffuseurs, nos boss, là, ils lisent les Richard Therrien et Hugo Dumas-Simon. Tout à fait, tout à fait. Toi aussi? Mon Dieu, Seigneur Jésus. Tu peux m'appeler André. Bon, je me mêle souvent comme ça quand je vous regarde. On parle d'entrée principale qui recommence, quoi, le 8? Dans deux semaines? Le 8 septembre, 16h en direct. Alors, j'ai remarqué dans votre liste de nouveaux chroniqueurs que vous aviez choisi un certain Jean-Sébastien Girard. Oui. Et là, je me disais, mon Dieu... Une très belle acquisition. Est-ce que c'est le même que notre Jean-Sébastien Girard? On cherchait une façon de ne pas avoir Jean-Philippe Vautier autour de la table. Ça a fonctionné. Mettez pas de gens connus dans votre émission, il ne sera pas là, c'est sûr. Jean-Sébastien est excellent dans votre émission, puis il va performer chez nous, j'en suis persuadé. Il sera là tous les vendredis aux deux semaines, c'est ça, Jean-Sébastien? Voilà. Et tu seras avec moi tous les vendredis aux deux semaines. Ça va être des vendredis culturels, si j'ai bien compris. Exactement, c'est la mission que nos amis patrons nous donne, et d'avoir une émission une heure et demie au lieu d'une heure, les vendredis, place à la culture. C'est dangereux, c'est risqué, on peut se casser le nez, mais on est équipé pour aller dans des zones peut-être originales, des zones que d'autres ont déjà fait, on va le faire à notre façon. Et la culture bouge en masse. Et la culture, c'est large. Donc, on va essayer de parler de tout. Et ce qui est une de nos difficultés, c'est qu'on est pan-canadien. Alors, on va essayer de ne pas être Montréal, juste Montréal. Ça m'énerve, moi, personnellement. Et de voir le Québec avant tout et, évidemment, le reste du Canada. C'est en direct, entrée principale? Oui, madame. Entrée principale, notre émission cette année est en direct. Nous étions enregistrés depuis très longtemps. J'ai lu que vous adoriez le direct. Tu aurais ri de moi, le pilote des enfants de la télé. Ouais. Les enfants de la télé, c'est préenregistré, ben vous comprendrez. Et on fait un peu plus qu'une heure. Et moi, je suis rentré dans le pilote, mon ami, comme si j'étais en direct. Tout était diffusable. À un moment donné, ils sont venus à une pause commerciale. Ils ont dit, Robitaille, calme-toi. Laisse aller un peu la balle. Laisse rebondir tout ça autour de la table. Parce que moi, j'avais le réflexe du direct. Je n'ai pas fait beaucoup de manœuvres comme on fait avec les enfants de la télé. J'apprends à le faire présentement. Mais j'aime ça. Mais j'aime en mots juste le direct. Mais c'est vraiment un bonheur. C'est quoi les avantages du direct, à part de moffer des entrevues avec Stéphane Lafleur, là, qui sont... Bon, la loi, c'est de se préparer. Ouais, non, mais... On jase, là. Ah, c'est fun. Non, mais c'est quoi les avantages du direct, honnêtement? Il y a le mot liberté qui me vient. Ouais. Il y a un risque aussi. Et ça, c'est une belle confiance que nos diffuseurs nous donnent quand ils nous mettent en direct. Et ils ont eu une certaine absence en te laissant en direct cette année, ça c'est certain. Mais donc pour moi, il y a une certaine liberté. Pas tout seul, hein. Non, exact. T'as raison. Merci les gars d'être là. Mais oui, je pense qu'il y a une liberté d'expression. C'est valorisant. J'oserais même penser humblement de dire OK, je suis en direct et je mène ce bateau-là et on espère rentrer dans le bon chrono. C'est une job de chrono, le direct aussi. Hein? C'est du gros travail de minutage. Il faut toujours regarder l'horloge. À l'entrée principale, j'ai un bonheur, j'ai un 8 minutes dans mes poches à chaque émission où il n'y a rien dans la feuille de route. Je te rentre dans la technique, là, mais regarde-moi les yeux. Ça, ça veut dire qu'il y a 8 minutes où tu ne sais pas prendre tout ce qu'il va avoir en ondes. Je suis tanné d'entendre les animatrices, animateurs dire « c'est tout le temps que nous avions ». Ça, c'est vrai. Et j'essaie de ne pas le dire. Non, mais c'est vrai. Mais ça m'énerve. Mais c'est bon. Et là, je prends des notes, je vais transmettre ça à notre réalisatrice parce qu'on a, à date, on a une feuille de route très, très serrée. Non, mais ça, c'est des technicalités, Frédéric Savard. Non, mais quand même. Mais toujours est-il que ça ne vous angoisse pas d'avoir 8 minutes à remplir comme ça? Non, non, non. Puis c'est le bonheur, vraiment. Si j'ai une entrevue et je dis « Oh, on reste-tu après la pause, on va continuer. » Ou l'inverse, si c'est plate, je la coupe en allant ailleurs. Avec Stéphane Lafleur, t'aurais coupé hier. Lui, il aurait coupé. Cela dit, Stéphane, je l'adore. Hein, fait que je suis un peu fâché de ton entrevue d'hier. Ah non, mais il y a eu beaucoup de plaisir, hein, c'est ce qu'il me dit après. Beaucoup de plaisir. Mais moi, je pense que c'est ça que le direct nous donne. C'est le beau risque, comme disait l'autre. Et pour moi, non, mais pour moi, c'est excitant. Ça m'allume comme un manège à la ronde. Puis l'adaptation n'est pas trop difficile? Pas du tout. Tu veux dire à passer aux enfants de la télé? Ah oui, aux enfants de la télé. Bien là, je m'y plais, mais ça m'a pris du temps. Difficile, non, mais ça a été plus long que je le pensais. Il a fallu que je travaille. Ça a été plus de boulot pour moi. Et aujourd'hui, bien là, on nage là-dedans avec bonheur. Eh bien, André Robitaille, c'est tout le temps qu'on a. C'est vrai, je suis fini. Oui, mais est-ce que vous voulez rester? Ben oui. J'espère. Je veux rester. Ben oui. Il y a plein de choses qui vont se passer. On va avoir bien du fun. D'ailleurs, il se passe quelque chose dans à peu près quoi, 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes. C'est du direct, il faut que je remplisse tout le monde. Ben dans deux. Oh, Dieu, je suis mal à l'aise. Ah, qu'on aime ça, les chicanes et les joutes verbales. Et une fois de plus à la soirée, on pense qu'il n'y a pas suffisamment de débat à la radio. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a presque pas. Un autre vent de fraîcheur. Ah oui. Et c'est pourquoi on va introduire chaque semaine un débat sur un sujet d'actualité criant qui va nous permettre de faire le point et d'avoir l'opinion ultime sur l'actualité hebdomadaire. Et comme premier sujet, on va aller de l'avant avec une actualité brûlante qui a marqué plusieurs personnes dans l'équipe. Ben oui. Et là, je parle de cette histoire de la petite fille qui a perdu sa doudou au festival des Montgolfières de Saint-Jean. Toutou, c'est un toutou qui s'appelle Doudou. C'est un toutou-doudou, voilà. Okay, hein? Qui a été perdu pendant le festival des Montgolfières et qui a été retrouvé grâce aux réseaux sociaux alors que les parents utilisaient Facebook pour partager le désarroi de la jeune fillette. Alors la question, pour ou contre l'utilisation des réseaux sociaux pour sauver une doudoune en peluche? Olivier Niquette est pour. Oui. Jean-Sébastien Girard est contre. Très contre. Go. Oui. Alors, très contre. Évidemment, c'est une position... Très contre? Oui, très contre. OK. Une position un peu délicate. Fred Savard a été extrêmement violent avec moi au bureau cette semaine. Ça dépassait son entendement que je puisse me positionner de cette façon-là. Il est pro-doudou. Il est pro-doudou. Bon, les gens vont dire, évidemment, bon, il est insensé, maudit gros sans cœur. Ça paraît que t'as pas d'enfant, gna, ce genre de lieu commun-là. On s'entend que je suis pas quelqu'un de méchant. Je ne souhaite pas le malheur des enfants, Fred, même si c'est Olivier que je vais m'adresser. J'ai un filleul... J'ai un filleul que j'aime plus que ma propre vie. Être témoin de sa détresse, Fred, malgré les... Olivier. Mais sa détresse me rend complètement fou. Cela étant, je pense qu'après avoir normalement cherché le toutou en question, la madame aurait dû nous sacrer patience. Parce que je pense sincèrement que d'alerter le monde entier pendant une semaine, monopoliser les fils d'actualité, accorder des entrevues dans les journaux, à la radio pour un toutou, c'est pour moi la parfaite incarnation du délire des parents qui choisissent d'élever des enfants avec comme des enfants rois. Sont deux, la principale activité, c'est de prémunir les enfants contre quoi? Contre la réalité, Frédéric et Olivier. Frédéric. Évidemment, c'est plate, hein? Mais dans la vie, cette petite fille-là, évidemment, va être appelée à perdre des toutous, à perdre ses amis, à perdre ses grands-parents, et lui envoyer le message que quand il lui arrive un petit drame dans la vie, qu'on doit avertir la planète entière, c'est pas lui rendre service, c'est la priver d'outils précieux pour affronter éventuellement la vraie vie. Là, évidemment, on va dire quel raisonnement niaiseux de cabochon, mais là, j'invente absolument rien. Cette semaine, j'étais dans ma voiture, j'écoutais pas de midi sans info, et il y avait un invité, pour vrai, qui était là et qui témoignait de travaux de chercheurs québécois du Centre de recherche Fernand Seguin sur la façon dont le cerveau réagit au stress. Et c'est vrai, j'invente rien. Et parmi les conclusions dont on parlait, je paraphrase vulgairement, là, mais on dit en substance que les jeunes qui rencontraient certaines difficultés durant leur enfance devenaient plus tard des adultes beaucoup plus solides, qui allaient être capables de gérer l'anxiété de meilleure façon que les autres et qui allaient être moins enclins à la dépression. Donc, en substance, ce que ça dit, c'est que si tu n'apprends pas à perdre ton toutou quand tu as 7 ans, quand tu perds ton iPhone à 19 ans, tu tires une balle dans la tête. Bon, ben c'est assez bien dit. Peut-être que les parents voulaient juste dormir. Oui, il y a ça aussi. Mais il n'a pas de cœur, Jean-Sébastien Girard. Il n'y a pas de question. Justement, Olivier Niquette. J'allais commencer en disant que Jean-Sébastien n'a pas de cœur. Ah, voilà. Laissez faire la psychologie à Saint-Saëns, puis pensez à tout ce qu'il y a de beau dans ce processus-là. 140 000 partages. Enfin, on utilise le mot viral à bon escient, là, pas pour une vidéoclip de Denis Lévesque ou pour une petite maladie africaine. Là. Pour une fois que ce n'est pas de l'intimidation sur les réseaux sociaux, qu'on ne parle pas de vie brisée, mais de vie sauver, Jean-Sébastien. La vie de Doudou, le petit mouton en plus, là, 140 000 moutons de panurge qui sauvent un petit mouton. C'est pas beau, ça? Hein? Ça, c'était bien dit. C'est tellement un bel exemple de ce qu'on peut faire grâce à l'intelligence collective. Oui, bon, avec un peu l'aide de la stupidité des médias, mais quand même, si tout le monde sur Internet s'unit pour une même cause, dans un même but, je pense qu'on peut changer le monde. Comme le Ice Bucket Challenge, là, qui va aider plein de monde qui ont la maladie que je sais pas c'est quoi. Je sais ce que vous allez dire. Que c'est niaiseux, qu'il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Hey, ça paraît que vous n'avez jamais été un enfant, vous, hein? Moi, là, quand j'étais petit, moi, là, si j'avais perdu mon ami imaginaire Tutu, là, j'aurais bien aimé avoir la possibilité de le retrouver grâce à Facebook. Et je suis très chanceux de l'avoir encore. Puis Tutu puis moi, là, ben, on n'est pas d'accord avec vous, Jean-Sébastien. Ah, mon Dieu, c'est convaincu. J'ai voulu lui donner raison, mais sérieusement. Oui. Petite parenthèse, la première fois que je vois quelqu'un débattre, Olivier, les gens à la maison, débat avec un texte. C'est la première fois que je vois ça. Oui, mais c'est mon... C'est mon... une sorte de doudou, je me veux. Non, mais c'était pour se rappeler du nom de Tutu. Il avait pris une note. À mon avis, c'était Tutu qui lui glissait les arguments. On est parce que le texte de Jean-Sébastien est derrière son ordinateur. Ah, d'accord. Excusez-moi, mon ordinateur est fermé. Mais plus sérieusement, évidemment, on est dans la théorie, mais si j'applique ça au concret, j'ai un exemple très concret à vous proposer. Donc. Je suis né, moi, un 24 juin. Ah, mon Dieu. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose de personnel là-dedans. Voyez-vous? Allez-y. Donc, avec votre traumatisme. Quand j'étais petit, ma mère m'amenait évidemment voir les fêtes de la Saint-Jean, d'aller sur la montagne, au parc Maisonneuve, et ma mère me disait que ces festivités-là, c'était pour souligner mon anniversaire. Ah. Les feux d'artifice, Ginette Renaud qui chante sur la montagne, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, conséquemment, je suis devenu un être humain peut-être un peu insupportable, qui a constamment besoin de lumière sur lui, et j'ai développé un traumatisme à mon anniversaire. Tous ceux que j'invite à mon anniversaire et qui ne se présentent pas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient profondément me chercher. Je suis jamais venu. Et d'ailleurs, je le sais, la seule personne qui est venue cette année à mon anniversaire, c'est Fred Savard. Tout à fait. Et ça, ça crée un lien pour toujours entre nous. Ça, je saurais dire. On verra plus tard. Et Fred, il a envie de t'appeler Tutu. Merci, André Robitaille. Et moi, j'ai envoyé ma conjointe de fait à votre anniversaire. À se représenter dignement. Jusqu'à ce qu'elle soit trop saoule, mais sinon, elle était... Mais tout ça pour dire, là, sincèrement, moi, ça m'a heurté votre position, Jean-Sébastien, parce que moi, j'ai un enfant, et il ne me viendrait pas à l'esprit de détruire son toutou pour le préparer à sa vie adulte. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Mais c'est un petit peu ça que vous avez dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oh, arrêtons. Hey, okay, c'est une belle histoire de se servir des médias sociaux pour retrouver son toutou, et elle a retrouvé son toutou, et elle ne développera pas de problème d'attachement. Et les problèmes d'attachement, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à développer avec vous, mais on n'aura pas le temps parce qu'on a d'autres chroniques. Qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois qu'elle va perdre quelque chose, Jean-Philippe? Jean-Sébastien Qu'est-ce Girard. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va se détacher de son toutou au moment... Mais on n'y apprend pas à se détacher de son toutou. OK, messieurs. Et quand elle aura 20 ans, là, on aura une émission spéciale avec Jean Héroldi puis elle. Dans une cage. Bon, là, j'allais demander à Fred de savoir qui a gagné. Évidemment, c'est Olivier. Mais j'ai demandé à André. J'ai demandé à André. Qui a gagné le débat, selon vous? Les réseaux sociaux. Ah, bravo! Bravo. L'intelligence collective. 1-0 réseaux sociaux. Merci énormément, messieurs. Dieu que c'est intéressant. Hey, je ne sais pas si vous avez, si vous en avez assez des publicités de Trivago qui envahissent notre télévision et notre radio. Eh bien, permettez-nous de contribuer à votre désarroi. Je veux venir à Venise. Je veux trouver mon sugar daddy idéal. Et pour réserver, j'utilise la visa de mon papa. Comment c'est possible? Un motel Tripado. Jean-Sébastien Girard, vous allez nous présenter chaque semaine votre besace. Ma toute petite besace. Alors, qu'est-ce qu'une besace pour les gens qui nous écoutent, Jean-Sébastien Girard? Voilà. Alors, selon le Larousse, une besace, c'est un sac fendu en son milieu et fermé à ses extrémités, formant deux poches lorsqu'il est porté à cheval sur l'épaule. Ah, d'accord. Alors, on pourrait dire aussi que c'est une petite sacoche. Une sacochette. Une sacochette ou un petit baluchon. Une baluchette. Une baluchette. Voilà. Donc, à chaque semaine, je vais me promener avec ma petite baluchette et je vais trouver toutes sortes de petites trouvailles culturelles que je vais déposer dans mon petit sac que je vais venir ouvrir ici et déposer. Alors, vous allez venir vider votre baluchette. Exactement. Tous les dimanches, mais quel bonheur. Alors, beaucoup de choses dans ma baluchette aujourd'hui. Tout d'abord, regardez, Jean-Philippe, c'est quelque chose que j'ai envie de vous offrir. Merci. C'est un cadeau pour vous, un truc que j'ai dévoré cette semaine. C'est un numéro spécial de deux rédactions, celle de Paris Match et de Historia, qui se sont contactés, absolument, et qui ont fait un numéro très spécial. Ils se sont contactés? Un numéro conjoint. Wow. Un numéro conjoint, voilà. En fait, ils se sont conjointés. Oui, voilà, pour nous offrir un spécial sur l'humour français des années 70. Ah. Un humour auquel on fait souvent référence dans le bureau, Fred et moi, parce que nous avons de la culture. Donc, d'entrée de jeu dans ce numéro-là, on nous rappelle évidemment l'importance des comiques qui ont suivi en fait le mai 68 en France, qui ont servi à éclairer beaucoup leur époque en transformant une forme d'humour très consensuelle à l'époque. Et là, on a commencé à devenir très abrasif, un peu plus incisif. On s'est attaqué beaucoup aux figures bien pensantes, à la politique. On s'est attaqué beaucoup à la langue de bois. Et c'était un peu une première en France. Et on découvre donc des grands noms. Des grands noms. De l'époque, Coluche. Ben exactement. Ouais. C'est le premier que j'avais sur ma liste. Bien des proches qui m'ont... Vous connaissez Coluche? C'est mon maître, pensé. Ben Coluche, Est-ce que c'était une doudou? Non, Seigneur. C'est un peu l'ancêtre de Fred Savard, je dirais. Hein? Coluche? Ben non, franchement. Ah, absolument. Ben non, ça, c'est pas fait pour Coluche. Il est mort, mais arrêtez de l'écœurer. C'est un des premiers, Jean-Philippe, qui en France s'est attaqué aux tabous, aux valeurs morales, de la politique de son époque. Coluche disait « J'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de nous faire rire. » C'est un peu ce que Fred dit constamment. On y découvre aussi. Mais là, franchement, c'est pas parce qu'il est venu à votre anniversaire une fois que je veux dire. Je l'adore, Fred. Lâcher. Je l'adore. On découvre aussi Jacques Martin. Ouais. Ça, c'est intéressant, qui présentait la fin de semaine un vrai faux journal avec sa gang de petits rapporteurs. Ben oui. Donc, c'est une gang d'amis qui pratiquait un humour caustique et parfois cruel la fin de semaine. Pierre Desproges. Ben voyons donc, ça me fait penser à lui. Et Jacques Martin, par la suite, a fait l'école des fans. Oui. On s'en rappelle. Vous en souvenez-vous? Oui, avec les petits-enfants qui chantaient. Ouais, des chansons. C'est joli, colonie de vacances. Votre culture m'écœure. Okay. Continuez. Voilà. Oui. On a des portraits, évidemment, du Splendide qui nous ont offert cette troupe, qui nous ont offert, entre autres, le Père Noël est une ordure, les classiques, les bronzés font du ski, etc. Donc, ça nous rappelle l'importance des comiques qui font avancer la société en donnant la voix à ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on parle de Michel Boujna? Moi, c'était mon préféré. Non, c'est pas c'est les années 70. Mais oui. Seigneur. OK. Deuxième trouvaille. Dans votre besace? Oui, dans ma petite besace. Regardez ça. Allez-y. C'est la troisième édition du magazine allemand Le Flâneur. Ah, un de mes préférés. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Le Flâneur? C'est un beau magazine d'art et de création littéraire, vous le voyez. Oui. Très luxueux, qui vaut 22 $. Olivier, très beau. Olivier, vous allez mettre une photo sur notre page Facebook. Oui, c'est un beau magazine. C'est un beau magazine, très beau sur le plan graphique aussi, de belles photos, de beaux textes, qui consacrent, en fait, chacune de ces éditions à une rue en particulier choisi dans une ville internationale. Et là, je vois que c'est... Ben, c'est ça, la beauté. C'est la rue Bernard. La rue Bernard, sur laquelle on se trouve présentement, Jean-Philippe. Offre un portrait, l'histoire de la rue Bernard. On essaie de restituer un petit peu son essence, les odeurs, la couleur à travers les photos. Donc, un magazine d'épicuriens. Je vous offre aussi. Ah oui, okay, en fait, je vous en parle aussi parce que... Moi, j'en veux un. Je le veux, lui, pas à lui. Je OK, bon, mais on va le donner à André Robitaille qui va la beauté de tout ça, c'est qu'on y parle aussi de Martine Hippolyte. Martine Hippolyte, on le sait, qui est notre réalisatrice. Bon, on également, le sait pas conjointe, également conjointe de l'animateur de radio Michel Desautels. Oui. Et les deux se racontent dans cette édition-là. Ah, c'est pas Dieu. Forcément intéressant, mais il y a d'autres belles histoires. C'est bien que la question, c'est que c'est pas du tout consensuel. Et on avait une préoccupation, c'était de sortir un peu des sujets très montréalais. Alors, je vois Jean-Sébastien. Vous avez bien suivi la consigne. Ben voilà. Et parlant de Montréal, un autre objet dans ma petite besace qui s'appelle Marché Montréal. Ah, mon Dieu! Marché Montréal avec un artiste. Et là, je dois vous dire, j'étais un peu sceptique quand j'ai reçu cet objet-là au bureau. Ça s'appelle Marché Montréal avec un artiste. Découvrez le village et les faubourgs avec Mado Lamotte. Ah. Je me suis dit... La pochette est rose. La c'est pochette tellement est cliché, rose. Franchement. C'est affligeant. Puis de toute façon, je me suis dit, est-ce que les gens ont vraiment besoin d'un guide pour se trouver un sauna ou des go-go boys? C'est un peu j'étais ce qu'on un peu pose, sceptique. Hein, ben oui. Or, Jean-Philippe, j'ai quand même été très sincèrement étonné de toutes les petites trouvailles culturelles qu'on peut avoir dans ce quartier-là, qui est le quartier où on travaille tous les jours. Ben oui. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans le quartier où on travaille sur la rue Parthenay, il existe des moulins d'art, c'est-à-dire des moulins rotatifs, qui sont en fait des installations photographiques. Vous le saviez, ça, Jean-Philippe? Non, mais j'écoutais pas, là, parce qu'André me volait les deux copies de magazine qui m'intéressait. La balado-diffusion. On trouve aussi les fameuses murailles, évidemment, celles consacrées à Alice Robbie, qui est sur la façade du Lion d'or, celle qui a marqué aussi le 50e anniversaire du décès de Paul-Émile Bordua. Paul-Émile Bordua qui a fait quoi, Jean-Philippe? Il a fait des peintures. Entre autres, et évidemment. C'est effrayant. Est-ce qu'il y a question du Wimetoscope qui a été transformé en Harvey's? Non, il n'y en a pas question, malheureusement. Le premier cinéma à Montréal. C'est la seule chose qu'il connaît. Et un des premiers à l'Amérique du Nord. Voyez-vous? Oui. Ben oui. Donc, voilà. Aussi, Émile Deligan, on peut visiter sa maison d'enfance. Ah, vous savez qu'il y avait un bronze d'Émile Deligan au Square Saint-Louis? Non. Je vois le vide abyssal dans vos yeux quand je parle d'Émile Deligan. Non, je sais que c'était un parc, premièrement. Et Émile je pense Deligan, que son donc, fils a fait de la poésie. Ouais. Bon. Donc, un poète né en 1879, mort en 1941. Uh-huh. C'est intéressant parce que je vais faire une transition vers notre premier jukebox de la journée. Ah, mon Dieu. J'ai envie de vous faire découvrir Émile Deligan, mais surtout Monique Lérac, qui est une des plus grandes interprètes que le Québec ait connue. Pourquoi vous riez, frère? Non, du tout. J'aime votre façon de prononcer les mots. Lesquels? Ben, Monique Lérac, vous avez une façon de prononcer, de mordre dans le Monique qui était amusant. Excusez-moi, j'ai du plaisir. Je ne sais pas si j'ai le temps d'une anecdote. Allez-y. Il y a 15 ans. Ah, mon Dieu, la réalisatrice va me dire que c'est très frustrant. Ben oui, vous avez le temps, allez-y. Bon, okay. Alors, rapidement, première année, je suis recherchiste à Radio-Canada il y a une quinzaine d'années. Vous avez commencé là? Oui, au bas de l'échelle, recherchiste. Et on demande à une collègue, pouvez-vous appeler Monique Lérac pour l'inviter à l'émission? La recherchiste prend le téléphone, elle dit « Bonjour, Madame Clérac. » Ben oui, mais elle s'est trompée. Bon. Alors, je vous invite à écouter Madame Monique Lérac, qui s'est retirée de la scène publique il y a plusieurs années. Elle est maintenant âgée de 86 ans. Un de ses enregistrements majeurs est évidemment Monique Lérac chante Néligan, des textes évidemment de Néligan sur de la de musique d'André Gagnon. D'André Gagnon, voilà. Hey, je suis pas... Et pour qu'on reste bien consanguin, même dans Outremont, c'est un album qui a été enregistré le 22 novembre 1975 au cinéma Outremont. À côté, pas très loin d'ici. Juste à côté, voilà. La romance du vin. Assurément, une des plus belles choses que vous entendrez de votre vie, toujours sur Ici FM. Que c'est beau. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens à l'écoute. C'est sûr, vous autres, jeunes, vous aimez mieux le disco. Mais c'était magnifique. Non, mais c'est vrai que c'était... Mon Dieu, c'est revenu. Excusez, j'ai accroché le canon. Non, mais c'est tellement bon, on voulait en mettre une deuxième. Pas de blague. Vous savez, quand je suis arrivé à Montréal au début des années 2000, c'est pas une blague. C'est un des premiers albums que j'ai écouté sans arrêt. J'avais pas d'iPod à l'époque, j'avais un lecteur CD. Qu'il fallait pas que tu brasses trop, là. Il y avait 15 secondes de mémoire. On connaît ça. Arrêtez. On fait semblant de pas le savoir, mais pour vrai, cette semaine, vous avez chanté Le vaisseau d'or dans le bureau. Oui. C'est même pas des blagues et vous m'avez beaucoup touché. Est-ce que vous avez versé une larme ou quelque chose? Non. OK. Mais je me suis dit, voilà, ce garçon-là n'est pas un abruti. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes Ici Radio-Canada Première, une émission qui met ses glaçons dans ses drinks, pas sa tête. ils payent du monde pour rediffuser des extraits de la radio de Québec. Ils me trouvent drôle, qui m'engage au lieu de passer des mots. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? La question se pose. A-t-on vraiment besoin de ça en tant que contribuable, Olivier? Absolument pas. Alors, c'est votre chronique, Olivier Niquette. Et pendant que je suis en train de me bourrer la face de foie gras en France cet été, un gros débat sur la gauche caviar faisait rage au Québec après que Pauline Marois eut été photographiée au volant de la Ferrari de son monsieur. Et ça, Jérôme Landry de Radio X n'a pas vraiment apprécié. Le fameux discours hypocrite de la gauche où on dit aux gens ordinaires comme nous autres, prenez l'autobus. On va vous mettre du transport en commun. On va vous mettre des belles plugs pour vos chars électriques. Puis vous autres, les caves, la classe moyenne, achetez-vous des chars électriques et soyez verts. Elle, elle perd une élection à servir de bord pour se promener en Ferrari. Et d'ailleurs, il y a quand même des similitudes entre la gauche hypocrite comme Pauline Marois et le faux monde ordinaire comme Jérôme Landry. Parce que, voyez-vous, la poursuite intentée par Stéphane Gendron contre Radio X nous a permis de savoir combien il gagnait et combien, selon vous? Oh, à Radio X? Du monde ordinaire, ça doit être... Ben, c'est classe moyenne, il y a 48 000. 185 000 $ par année. Juste comme animateur à Radio X? Stéphane Gendron. Je ne sais pas combien gagne Jérôme Landry, mais je trouve qu'il a la définition de la classe moyenne assez lousse. Voyons, donc, un animateur de radio... Mais comment ils font? Un animateur 185 000 par année, comment ils font? Ça va être la chronique d'Olivier, parce qu'on va la laisser... Faut que tu coupes à quelque part. De toute façon, un animateur de radio, ce n'est pas du monde ordinaire, hein, Jean-Philippe? Pour en revenir Fred Savard. Non, c'est beau, il paraît que non. Pour en revenir à Stéphane Gendron, il a été flushé pour laisser la place à Jean-Charles Lajoie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Charles Lajoie est le poète du sport, mais un poète qui choisit pas souvent les bons mots aux bons endroits. Et à la belle époque du pornographe, il avait parlé en bien de nous après qu'on l'ait pris en flagrant délit de ne pas donner le crédit. On l'écoute. Certains de la gauche qui, je présume, se caresse en lisant du Jean-Paul Sartre et ne lui donne pas le crédit une fois qu'ils sont essuyés. Ça, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eu de ma jeune carrière, quand même. C'est beau samedi soir, ça. Et le chroniqueur vedette de Jean-Charles sera Régent Tremblay, qui avait quitté Cogeco l'an dernier. Enfin, on va retrouver ses excellents commentaires sur sa fortune personnelle. Je me suis acheté un Harley cet été-là. Ouais. 30 000 piastres. Et voilà. Je pense que si on réécoutait toutes les chroniques de Régent bout à bout, là, on pourrait estimer sa fortune personnelle à la scène près tellement il parle souvent de son argent. D'autre part, Claude Roy, vous vous souvenez de Claude Roy? Oui, un ancien député, non? De l'ADQ, oui, chauffeur d'autobus aussi. Ah. Bon, Claude Roy, là, il commente souvent à la radio. Et il y a quelques semaines, il y avait un message pour les gens de Mégantic. Arrêtez de chigner. Les gens, on dirait qu'ils veulent se venger contre quelqu'un. Puis c'est pas vrai, là, le train, s'il n'était pas passé, mon fils sera encore là. Non. Parce que dans la vie est faite, il y a un temps où t'es là pour naître, t'es là pour partir. C'était leur destin. S'il y avait eu de meilleures règles de sécurité, si le chemin de fer n'était pas passé par le centre-ville, mais le train aurait quand même trouvé le moyen de se rendre là et d'exploser. C'est comme ça la vie. Hein? Ben oui. Bon, tout le monde a droit à son opinion, là. Même les téléspectateurs qui écrivent des courriels à RDI, mais RDI pas toujours obligé de les lire, par contre. Qui va comme suit, donc... Je suis totalement contre la position du gouvernement Harper. Harper et ses semblables, écrit-il, sont en train de réhabiliter, les nazis aux yeux de la planète. Il y a comme une petite pause, hein? Oui. Réhabiliter, les nazis. Il n'est pas obligé de finir. Non, c'est bref, ça. C'est Dominique Moret de Radio X qui a dénoncé le fait que RDI ne filtre pas ses courriels. Il a bien raison quand même. Utiliser les nazis dans un débat, c'est jamais vraiment winner. Et suite aux manifestations pro-palestiniennes à Paris le mois dernier qui ont causé un peu de grabuge, savez-vous qui a fait des comparaisons avec les nazis aussi? Non. Dominique Moret. Des scènes de Deuxième Guerre mondiale, des scènes qui rappelaient la présence d'Hitler, de ses troupes de choc, la présence de la Gestapo dans les rues de Paris. C'était à lever le cœur, et ce, quel que soit votre camp. Je pense que je vais compter les points de ceux qui parlent des nazis pendant la saison, et à la fin, on va couronner un gagnant. Et vous pouvez participer, Fred, si vous voulez. Il faut dire qu'ils ont tendance à exagérer à Québec. Là, même leur maire, Régis Labeaume, en met un petit peu trop de temps en temps, comme lorsque vient le temps de parler des employés municipaux qui ont foutu le bordel à Montréal. Quand je regarde ce qui s'est passé en Crimée et ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, ben, ça ressemble exactement à ça. Pareil comme l'hôtel de ville. C'est la même chose. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que Denis Coderre aura lui aussi son émission à LCN où il répondra aux questions des citoyens. Ça risque d'être très bon. Mais petit conseil, monsieur le maire, là, faire de la télé et mâcher de la gomme en même temps, c'est pas super élégant. C'est ça comme ça. Merci Olivier, c'est ça très me fait gentil. Plaisir. Je veux aller à Venise, au Québec. We go, we go. Je veux faire la gaze dans les couvertes, mais sans pogner des punaises de lit. Comment c'est possible? En couchant pas dans un motel cheap sur le bord de la 10. Pas de motel, Winnebago. Jean-Sébastien, on les termine l'heure avec oui, vous. Les courriels pullulent pour M. Robitaille. Le tout premier qui nous vient d'un Félix L. Delaurier de Ville d'Anjou et qui va comme suit, pout-pout, M. Robitaille. Ça résume bien une carrière. On imagine que c'est un quelle jeune. Carrière. On n'est voilà. pas immortel sans pout-pout. Alors, ça dit ceci, vous avez été le premier animateur de C'est juste de la TV. Vous ne trouvez pas ça un peu ironique d'avoir dit au monde pendant des années c'est quoi de la bonne TV pour finir par animer entrée principale? Ah! Il n'y a rien sur les nazis? Non. Les gens sont méchants. Moi, j'en reviens pas. Je t'en ai de lire ça. Sincèrement, ah. Là, toi, tu sais. C'est la deuxième émission. De ma mais ça doit faire du bien à cette personne, c'est correct. Ouais. C'est la deuxième émission. Et on peut pas plaire à tout le monde, messieurs. Non. Ah non, ça, c'est vrai. Ça, c'est un vieux truc du métier. Regardez mes petits cheveux gris, c'est ce qu'on dit. Un autre courriel qui nous vient de S. Harper et qui va comme suit. Ce qu'il y a de pratique avec votre équipe, André, c'est que lors de nos prochaines compressions à Radio-Canada, vous allez être proche en maudit de la sortie principale. Oh, oh merci, monsieur Harper. Oh. Elle était facile. Et enfin, voulez-vous les faire la prochaine fois? Mon Dieu. Vous savez, moi, avec, je peux faire juste des liens dans une émission, pas faire de contenu, tu sais. Bon. C'est votre émission numéro 2? Vous en avez une centaine à faire? 82. Un petit courriel, vraiment cute, pas méchant. Ah, tu sais, c'est le fun. Je n'écoutais pas entrée principale, mais maintenant que je sais que le grand Jean-Sébastien Girard sera là, je serai au rendez-vous. Bisous, bisous, signé F. Savard. C'est tout. C'est tout ce que tu as reçu pour moi? Ben oui. Ben non, mais c'est seulement la première heure. Hein. On dirait que je m'en vais, moi, là. C'est tellement niaiseux, mais c'est tellement utile de vous parler à je chaque... Sais. Mais je sais. Hey, je regardais... Non, mais c'est niaiseux parce qu'on a une deuxième heure, cette émission-là. Absolument. Et je regardais... Voulez-vous qu'on la commence maintenant? Non, pas tout de suite. Je regardais... Ça va être fait. Je regardais qu'est-ce qui s'en venait. Oui. Et vous êtes complètement absent de la deuxième heure. Je sais, j'ai été trop présent dans la première heure, ouais. Très absent dans la deuxième. Mais vous savez ce que c'est, hein? Non. On a reçu les sondages, ouais. Et à chaque fois que vous étiez en onde hier, il y avait une baisse. Alors, on s'est dit... Non, mais on est scientifique ici. Hein. Ouais. On s'est dit, on va faire un test. Pendant la première heure, il y aura beaucoup de Jean-Sébastien. Mm-hmm. On va voir ce que ça va donner. Pendant la deuxième, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de Fred. Ouais. Alors, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais je pense qu'on les a vus hier, les commentaires sur Twitter. Ouais. Hein? Oui. Comme dirait Marie Wedencha. Et je pense que les commentaires vont dans un sens. Ben oui, et les gens apprécient beaucoup ma présence. Mais j'écoute tout ça, j'aurais aimé être invité à la deuxième heure. Vous êtes engagé pour l'avoir tous les vendredis ou en tout cas aux deux semaines pendant votre saison, fait qu'il fallait y penser avant. Olivier, vous nous rappelez la question du jour? Oui, mais avant, peut-être un petit commentaire qu'on a reçu qui est fait un lien avec Jean-Sébastien. Ah oui, je vous en prie. Hein. Nicolas Guindé dit « Le débat entre Olivier Niquette et Jean-Sébastien Girard sur la doudou était nécessaire pour un meilleur vivre ensemble. » Bon, oui! C'est important de le souligner. Tout à fait. Sinon, est-ce que vous voulez que... quelques questions du jour? Mais je veux que vous nous rappeliez la question du jour. La question du jour. C'est ça qui est important. Est-ce que vous comprenez quelque chose au projet de loi 3 sur les régimes de retraite? Et si oui, pourriez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, on a plusieurs réponses. Hein? Ah ben, vous pouvez aller avec une. Allez-y. Malgré que c'est aride comme question. d'abord, Cal Ryu nous dit « La loi 3, c'est comme quand ta blonde décide de quelque chose. Peu importe ce que t'en penses, ça va être ça pareil. » C'est-à-dire le quotidien. C'est quand même bien vulgarisé. Sinon, Jean-Simon Fabien dit « J'avais pensé à une joke, mais je pense pas qu'elle réussisse à capitaliser à plus de 85% en rire. Fait que je vais la renégocier 50-50, mur à mur, puis en attendant, je vais suspendre mon indexation de sens de l'humour. » OK? Ah, c'est comme ah mon Dieu. Une mise en abîme. Ben, je vous remercie, Olivier. Écoutez, pour ma part, je me demandais quand est-ce que j'allais en parler, mais je pense que c'est le moment idéal, juste avant qu'on parte pour une dizaine de minutes pour les nouvelles. J'ai eu la chance ce matin de recevoir la livraison la plus fraîche du Progrès du Saguenay. Ah, ça sent le bon pain chaud. Le Progrès du Saguenay, évidemment, qui est le quotidien dominical oui. du Saguenay. C'est votre patois? Votre patelin. C'est mon patois et mon patelin. Voilà. C'est la même chose. Et ce que j'aime dans le Progrès dimanche, c'est la section Église. Alors, il y a toujours une section Église et je trouve ça très important. Et cette semaine, c'est les 10 conseils du pape pour être heureux. Ah. Alors, le pape est chroniqueur au Progrès du Saguenay. Incroyable. Incroyable. Non, mais quand même. Hein, ouais. on a Jean on a, Tremblay, là. Ben, c'est ça. Jean Tremblay a une connexion directe avec le bon Dieu. Oui. Fait que j'imagine que c'est lui qui l'a plugué avec François. Oui. Alors, toujours est-il que je vous les donne et pendant le 10 minutes là, qu'on aura entre les nouvelles, ben, vous réfléchirez à votre vie. Hein? Alors, mais quand même. Le premier conseil. Vivre et laisser vivre. Ah. Ça, c'est pas niaiseux, ça. Non. Je sais que Jean-Sébastien a beaucoup de difficultés avec ça. Hein? Beaucoup, beaucoup d'amertume. Le deuxième, se donner aux autres. Plus difficile pour Fred, ça. Ça dépend des soirs. Parce que les autres veulent pas. Ben, faut un non, c'est non. Troisième, se mouvoir avec bienveillance et se mouvoir avec bienveillance et humilité. Donc, ça veut dire quoi? Bien danser? Ben, j'imagine. Je vois pas. Se brasser le cul comme il faut. Mais le pape vient de l'Amérique du Sud. À quelque part, il doit savoir quelque chose. Au Vatican, j'imagine que c'est important. Allez-y. Ah, mon Dieu. Quatrième conseil, il faut y réfléchir à ça, jouer avec les enfants. Ça aussi, au Vatican, c'est important. Désolé. On est en direct, Fred. Frédéric Savard, mesdames et messieurs. On parle de risque, il y a une heure. Non, pour les avocats, Frédéric Savard. Alors, cinquième conseil, passer ces dimanches en famille. Ben, nous, on est un peu foutus, nous, on travaille. Oui, tout à fait. Aider les jeunes à trouver un emploi. Bon, Radio-Canada, c'est pas évident. en septième position, alors, un des sept conseils, prendre soin de la création. Ah oui. Ah, mon Dieu, il va me manquer. Ben, allez-y. Il va me manquer des conseils. On est trop serré dans ce je suis désolé. On n'a pas de 8 minutes pour étirer une chronique trop longue. Si vous êtes gentil, vous aurez 8, 9, 10 au retour des nouvelles. Mais c'est comme ça où on mettra ça sur Twitter. On s'en parle après les nouvelles. Bye. On est de retour pour la deuxième heure. Ah ben, les gens peuvent applaudir, ils sont bien stressés. En fait, c'est depuis qu'une politicienne qui vient de rentrer, alors ils sont bien, bien gênés. Ouais, hein. Ouais. Mais lâchez-vous-le, honnêtement, elle est dans l'opposition, puis c'est à peine l'opposition officielle, donc il n'y a pas de stress. Tout à l'heure, on s'est quitté avec les 10 conseils du pape pour être heureux. Encore, il y en avait 10, j'en ai 17. Et c'est niaiseux, mais on a reçu plein d'emails pour savoir c'est quoi les trois derniers, c'est quoi, inquiétez-vous pas, on est là, on va vous les donner. Juste vous rappeler les importants, vivre et laisser vivre, jouer avec les enfants, passer ses dimanches en famille, etc. Pour rappeler aux gens, le huitième conseil du pape pour être heureux, oubliez rapidement le négatif. Ah. Et ça, c'est très, très important. Oui. Ah, vous ne connaissez pas ça, vous, hein, Jean-Sébastien? Okay. C'est le ressentiment encore. Et en neuvième position, respectez ceux qui pensent différemment. Et Fred. Là, ça, vraiment, ça, c'est le plus difficile dans cette équipe-là. Et je pense que Frédéric Savant a beaucoup de difficultés. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et le Et le dixième conseil, le plus important, selon François, Frankie, rechercher activement la paix. Ah. Ah, et ça, je trouve ça très important. Oui. D'ailleurs, pour rechercher la paix, André Robitaille a quitté le plateau. Et je vais le réinviter à venir se rasseoir. Oui. Ah. Voilà. Merci, André. Ben, voyez-vous, André, tantôt, vous me disiez que c'est un peu plate, que je ne pose pas des vraies questions, mais je peux poser des vraies questions. J'ai une vraie question ici sur le site. Vous allez voir ce que ça donne quand c'est des vraies questions. Alors, ça va comme suit. Ça vient sur Facebook de J.M. Labbé. Je le regrette déjà. Et ça dit, pour André, deux points, est-ce qu'il prend ça mollo ces temps-ci? Oh, que c'est beau! Mais c'est sympathique. Mais c'est quand même pas si mal, j'en sais pour les gens, non, mais juste pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas du Québec, André Robitaille a animé une émission qui s'appelait Vas-y mollo. Qui n'était pas canadienne, ne fait. Ah, oui, oui, oui. Nous, c'est plus l'époque de Lison et de Sam John. Vous vous souvenez-vous de ça? Ben oui, après? Ben oui. Ou Olivier Gilles à papier aussi, là. Oui, quel genre de ça, toi? Oui, je regarde ta chemise, t'as l'air de ça. Ouch! Ouch! Vivre et laisser vivre, oui, André. Et c'est le premier conseil de François. Et chercher activement la paix. Oui. Ben oui, effectivement, il n'y a personne qui fait ça ici. Fred, on a un nouveau chroniqueur cette année, un chroniqueur politique. Présentez-le-nous. On peut lire ses coups de gueule politiques dans les pages du magazine L'Actualité. On pourra maintenant les entendre sur nos ondes. Voici Mathieu Charlebois! Yeah! Mon Dieu, votre famille est dans la foule. L'as-tu attendu? D'habitude, on applaudit plus quand je m'en vais que quand j'arrive. Je vais le prendre. Écoute. Attendez, vous avez 4 minutes pour nous prouver le contraire. Voilà. Allez-y. Je propose d'inaugurer cette... pas de pression, là. Je propose d'inaugurer cette nouvelle saison en regardant vers l'avenir, même si, évidemment, regarder vers l'avenir, c'est quelque chose que les employés de Radio-Canada évitent de faire depuis quelques mois parce que ben, c'est un petit peu... Franchement. Franchement. Ça va beaucoup trop loin. Voici donc ce qu'il faudra surveiller en politique provinciale et fédérale à l'automne. D'accord. Numéro 1, c'est pas le numéro, mais okay. Un, c'est le premier en haut. Ah, disons A. Que va faire Yves Bolduc avec tout son temps libre? Ah, ça, par exemple. Bon, je l'avoue, j'ai écrit ce bout-là de ma chronique avant qu'on apprenne que Bolduc allait officiellement passer son temps à se mettre le pied dans la bouche. Oui. Ce qui n'a jamais tué personne, par ailleurs. Mais permettez-moi quand même de poser la question, qu'est-ce qu'il va faire avec son temps libre? Parce que depuis qu'il travaille que 70 heures par semaine en tant que ministre, Yves Bolduc est comme un lion en cage à la maison. Là. Ça fait 5 fois qu'il classe ses vis en ordre de grandeur dans le garage. Ouais, ouais. Sa femme n'est plus capable. Il faut seulement qu'il occupe son temps libre. Donc, justement, il y a Christian Dubé de la CAQ qui vient de partir. Il va avoir une élection partielle dans pas long. Yves Bolduc pourrait se faire élire sous la bannière de la CAQ, devenir député de l'opposition. C'est une job assez tranquille. On l'a appris récemment. Et il pourrait avoir un sideline très payant de ministre de l'Éducation en même temps. Ouais. Ben ouais. Aussi à surveiller, mais au fédéral, ouais. Stephen Harper va-t-il finalement demander à Israël de sortir avec? Ben oui! Avec lui. Hein, ça fait longtemps ça que ça dure. Hein? Ça fait des semaines que notre premier ministre crouse Israël, puis c'est pas subtil pantoute. Mais non, prenez-vous une chambre, bon présentement, Dieu. Harper est comme le gars qui clique... Présentement, Harper est le gars qui clique j'aime sur tout ce qu'une fille... Et comme le gars qui clique j'aime sur tout ce qu'une fille envoie sur Facebook et qui pense qu'on s'en rend pas compte. Oui, on le sait, on le sait. T'sais. Toujours au fédéral, oui. Mais de l'autre bord de la chambre, Mario, ou au fond, à côté des rideaux. Aux toilettes, je dirais. Mario Beaulieu fera-t-il finalement l'unanimité au Bloc québécois? Bon, oui, Mario Beaulieu est contesté en ce seul, moment dans son parti. Mais c'est ça, mais c'est tu peux pas être contesté si t'es tout seul dans ton parti. Oui, c'est ça. Merci. Je suis désolé. Communion d'esprit, quand même, suivons ça. Mais ça s'appelle de plus en plus le parti. Bon, non, c'est ça. Ou le québécois. Moi, c'est ça. C'est les deux semaines. Et donc, bref, c'est pas impossible que ça arrive bientôt. La sous-question qui vient avec ça, évidemment, c'est « Mais si personne met la marde au Bloc, quand est-ce qu'on va entendre parler du Bloc? » Et mon Dieu, c'est stressant, ça. C'est stressant. Et oui. Parlant de ressorts brisés, toujours dans les choses à suivre à l'automne, la palpitante course à la chefferie au PQ. Ça. Ah. Hein, la garderie de Léo... Excusez-moi. L'aile jeunesse du PQ a annoncé... L'aile jeunesse du PQ a annoncé qu'elle voudrait qu'il y ait plusieurs candidats histoire d'avoir de bons débats d'idées. Et pour ça, ils vont être gâtés. Hein. Cette semaine, il y a Pierre-Carl Péladeau et Bernard Dréville qui se sont versés un bac de glace sur la tête pour le Ice Bucket Challenge. Et c'était je bon. Sais pas, probablement par nostalgie de la douche froide de la dernière élection. Ah, mon Dieu, ça a été une des bonnes blagues, la soirée, ça, hein, franchement. Je peux m'en aller maintenant. Non. Non, non, non, non. Et heureusement, pour monter le niveau des débats, il y a l'éditeur, auteur, et quand on comprend pas trop exactement où il va en venir, Michel Brûlé, oui. Qui s'est pointé cette semaine pour annoncer son intention de se lancer dans la course. Incroyable. Dans une lettre où, pour vrai, je vous mens pas, il soupçonne, sans donner de preuve, Philippe Couillard de cacher 6 millions de dollars quelque part et sous-entend qu'Amir Kadir est acheté par Power Corporation dans un grand complot fédéraliste. Ben, pour vrai. Est-ce que, c'est véridique, ça? C'est dans sa lettre. Est-ce qu'il s'appelle Michel Brûlé ou Tête? Ça, c'est loin. Oh! Ça, c'est fort, ça. Ben, c'était pas nécessaire. Toujours dans la même. Il n'y a rien de nécessaire. Hein. Surtout pas Michel dans le show, Brûlé là, non. Donc, dans la même lettre, il réclame aussi un Amérindien en costume traditionnel à l'Assemblée nationale, la légalisation du pot, et il veut changer le nom du Parti québécois pour le Parti Amérique française, le PAF. Ben oui. Le PAF! Ouais, ben oui. Sérieusement, rendu là, je ne sais même pas pourquoi c'est moi que vous engagez pour écrire des affaires drôles. C'est lui que ça vous prend, que je peux vous trouver son numéro la semaine prochaine pour être là. Et finalement, le projet de loi sur les retraites mènera-t-il la société québécoise au bord de l'anarchie? Oh. Hein, avec ce qu'on a vu à l'hôtel de ville de Montréal cette semaine, la question se pose, hein, on aurait dit la Crimée. Justin Trudeau a même déclaré qu'il était content que ce soit des voleurs menaçants qui soient rentrés chez lui et pas des employés municipaux. En tout cas, ça a fait moins de ménage à faire après. Est-ce que c'est prouvé, ça, qu'il dit ça? J'ai entendu juste parler. Bref, ça pourrait être pire, et ça, le député Marc Picard l'a bien compris. Hein, les policiers font pas juste rester des bras croisés, ils portent aussi des drôles de pantalons. Hein, ils s'habillent un peu comme des clowns. Ce qui a amené, encore une fois, c'est véridique, le député de la CAQ, Marc Picard, a déclaré ceci, on ouvre les guillemets, « J'ose espérer que ça n'arrivera pas, mais quand je vois des policiers habillés en clown, à un moment donné, il y a un clown qui va s'habiller en policier et qui va peut-être faire des choses. » Fermez les guillemets. Là, Patoff est dangereux. Patoff est très dangereux. Hey, tu sais pas ce qu'il y a dans ses souliers, hein? Ben non, hein, c'est pire que je n'ai pas de quoi. Bref, la société québécoise de tique à un fil, mesdames et messieurs, on peut basculer dans l'anarchie à tout moment. Profitez de ce que vous avez, profitez du Québec maintenant qu'il existe encore. Merci beaucoup, Mathieu Charlebois. Ça fait plaisir. On va aller voir l'Internet et Olivier Niquette. Voir l'Internet. Bien, on voit l'Internet. Oui, bien, on rappelle la question du jour, c'était « Est-ce que vous comprenez quelque chose au projet de loi 3 sur les régimes de retraite? » Et si oui, pourriez-vous nous l'expliquer? Oui. Alors, on a Didier Jadot qui dit « Je suis sûr que Fred Savard connaît ça, il approche de la retraite, non? » Franchement, ça non plus, c'était pas nécessaire. Ça va beaucoup trop loin. On a aussi J.M. Labbé, le même J.M. Labbé que tout à l'heure, qui dit « N'oublions pas la devise de la police, se protéger et se servir. Oh, » Après moi, il y a un casier judiciaire, lui. Ouais. Et sinon, on a aussi Jean-Philippe Cipriani. Ah oui, ben oui. Qui répond « Oui ah. ». Ça s'appelle vrai, chroniqueur économique, ça. C'est un expert, il paraît. Ben oui. C'est ça. Merci beaucoup, hein. Olivier. Merci, c'est très important de rappeler aussi aux auditeurs qui peuvent écrire pour des questions pour Martine Ouellet. Pour la madame du PQ, vous pouvez nous envoyer une question à la soirée@radio-canada.ca. Je vais les lire à la fin de l'émission. Soyez polis, Jean-Sébastien Girard. Si vous n'êtes pas joli, au moins. Bon, ben, c'est bien dit. Fred, justement, invitez notre deuxième invité. Député de Vachon pour le PQ et les porte-parole de l'opposition en matière de transport, de stratégie maritime et d'électrification des transports. Bon. Boop, boop. Voici Martine Ouellet! Martine Ouellet, vous êtes notre première invitée politique dans cette nouvelle mouture de la soirée « Est encore jeune ». Et laissez-moi vous dire qu'on est très, très heureux. On est très heureux d'avoir une péquiste parce que, sachez-le, Martine Ouellet, ben, c'est la première fois que vous venez à la soirée, mais des gens comme Jean-François Lisée, Pascal Bérubé, Bernard Drinville sont venus... Stéphane Bédard, des centaines de Bernard fois. Bernard Drinville? Oui, je viens de le nommer. Ah, okay. Il est venu deux fois. Vous l'animez, s'il vous plaît. Il est venu deux fois? Ça a apparu deux fois. Ouais, oui, OK. Okay. Et là, ça fait longtemps qu'on voulait recevoir Martine Ouellet à l'émission, ben, pendant qu'elle était ministre, évidemment. Mais là, vous êtes à l'opposition. Tout à fait. Et malheureusement. Ben non, mais on dit malheureusement, mais est-ce que vous avez plus de temps pour vous, bon Dieu? Ben oui, plus de temps, mais quand même. Quand on voit le Québec qui est en train de tout... En trois mois et demi, ça, c'est vraiment le bordel. Hein? Oui, c'est pas mal mais le bordel. Vous n'avez pas aidé mais avec ils vos ils sont pas mois. Mal bons pour ça, hein, pour faire le bordel. Fait que... Ben attendez un peu, là. L'automne, là, il va être chaud. Ben, ah, ben ah, attendez un peu. On critiquait les gens qui disaient que le PQ avait tout viré la société à l'envers en 18 mois. Ça fait trois semaines, là, le PLQ, donnez-le un brin. Oui, mais nous autres, c'est pas pareil. Nous autres, on est en train de reconstruire ce qui avait tout défait. Ah. Eux autres sont en train de encore mettre le bordel. Ah, mon Dieu, je vais prendre des notes, parce que pas ça, je comprenais pas ça de même. Ah. Mais avant de parler de déconstruction, j'ai posé des questions, la même question à tous nos invités. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été? Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, vous, Martine Ouellet? Un petit peu de vacances en famille. OK. Ça faisait du bien après 18 mois d'un travail assez intense. Et, de construction? De construction. Ben oui, c'est ça l'affaire. Ben oui, certain. Ouais, ouais. Puis aussi du travail dans le comté. Et j'ai une petite mission parlementaire à Baltimore. Pardon? Une mission parlementaire. Ben toi, chose. Ben oui, chose. Donc, à Baltimore, à côté de Washington, je pense que si vous connaissez ça, vous autres, Baltimore, pas ça bien. Le Mexique, c'est une belle place. Ah ouais. Pas de ta fête, hein? Pas de ta fête. Un peu plus au nord. Mais qu'est-ce que vous faites comme mission? Des rencontres avec les élus du nord-est américain. Puis on parlait de transport, on parlait d'énergie. Donc, ah oui, ben parce que nous autres, on a pas mal d'énergie verte, ça serait le fun qu'on puisse en vendre plus aux Américains. Donc, je pense que c'est important d'être là. Justement, ben là, est-ce que vous êtes allé, vous n'avez pas voyagé un peu, peut-être en Écosse, comme Pierre-Carles et Bernard, là, ils sont allés voir les Écossais qui... Non, pas encore, mais ça s'en vient. Vous allez y aller? Oui. Arrêtez donc, tout le monde va y aller au PQ. Ben, en même temps, c'est pas un gros... c'est plus un gros parti, fait que c'est plus, ça remplit un petit hauteur de place. En fait, on va être trois. Ah oui, donc, qui donc? Moi, avec Alexandre Cloutier, puis Mathieu Traversy. Puis il y a toute une gang d'un réseau qui s'appelle Québec Monde, qui va être là aussi. Donc, on va avoir des rencontres, puis on va aller tâter le pouls, comment ça se passe là-bas. Bien, justement, on va le rappeler. Je vais aller faire un petit saut après à Oslo, un, deux jours. C'est à nos frais, hein, faut le dire, là. Ben, quand vous dites à nos frais, c'est les frais de qui, ça? C'est les frais de Martine Ouellet. De Martine Ouellet. OK, ben, en vacances à Oslo. Ben, c'est pas. Ben, si vous voulez appeler ça des vacances, mais c'est pas des vacances parce qu'on va rencontrer des gens, puis c'est du travail. Mais puis, attendez, non, à Oslo, c'est pas de vacances. C'est l'électrification des transports. Ah, okay. voilà. C'est l'électrification. Parce que, des transports. On parlait des Écossais, justement, parce qu'il y a un référendum qui a lieu le 18 septembre. Vous allez être là pour le référendum, donc? Oui. Oh mon Dieu, vous allez vérifier si les gens votent du bon côté. On va aller voir comment que ça se discute, puis on va aller voir comment. C'est quoi le pouls de la population là-bas? Mais est-ce que c'est pour rapporter ça au Québec? Parce que j'ai regardé les derniers sondages récemment sur la séparation et l'indépendance du Québec. C'est pas demain que ça va se faire. Non, les sondages sont pas forts. Ils sont pas super forts. Ben, en même temps, vous avez quasiment 20 % de... Mais vous savez, les sondages, là, c'est pas mal volatile, de plus en plus. Hein? Oui, on a regardé, là, même dans la dernière élection, là, pendant l'élection, ça se promenait de même. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut faire attention avec les sondages. Ben, à 19 %, ça vole plus bien. C'est ça. Mais... Ouais. Il faut quand même se rendre compte qu'on a du travail à faire. On a du travail à faire, puis il faut aller écouter les gens. Je pense que c'est important. Parlons les justement du travail que vous avez à faire. On vous a nommé, en fait, vous êtes en charge du transport dans l'opposition. C'est bizarre parce que vous étiez aux ressources naturelles. Et c'est Bernard Drainville qui a les ressources naturelles. Est-ce que c'est vous qui avez demandé d'avoir le portefeuille des transports et du... C'est pas le portefeuille, en fait, l'opposition. Ben, c'est le portefeuille portefeuille fantôme. Ouais, c'est le mien comme ça aussi. La sacoche. Ouais. La sacoche du transport. Non, c'est un choix qui a été fait là, par Stéphane Bédard, qui est chef intérim que vous avez interviewé un peu plus tôt dans la saison. Sans arrêt. Donc, c'est ça. Pour qu'on touche à toutes sortes de sujets puis que ça nous permet de voir d'autres sujets et de mieux connaître l'ensemble des sujets du gouvernement. Ouais. Et quand vous avez appris que vous aviez pu ce champ de compétences-là, est-ce que vous aviez la mine basse? Boum! Jean-Sébastien Girard? Oui. Ben, on essaie des choses. Ben oui, non, c'est correct. C'est notre premier week-end. Mais c'est parce que c'est un laboratoire. Oui, mais il y a André Robitaille qui est là, qui va vous recevoir, hein, puis il est peut-être un peu déçu. Je prends des notes. Oui, niaisez pas. Cher journal, pas d'humour avec Jean-Sébastien. Donc, parce que sachez-le, Jean-Sébastien Girard sera chroniqueur à entrée principale. Et puis, ben voilà. Ben, est-ce que c'est signé? Oui, oui, oui, c'est signé. Ah, ouais? Oui, oui, oui, mais c'est déchiré, mais c'est... Parlons maintenant de notre ami Yves Bolduc. Parce que ça, quand même, vous pensiez pas l'avoir aussi facile que ça avec Yves. Hein? Il s'est mis un peu le pied dans la bouche. Tant un peu, vous dites? Ben, tant que c'est pas un livre. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace à vous contre Yves Bolduc? Est-ce que vous avez d'autres choses qu'on ne sait pas? Parce que Stéphane Bédard, on attendait les commentaires de Stéphane Bédard d'ailleurs sur Yves Bolduc. Et je me demandais, on a l'impression que vous êtes en train de monter un dossier contre le beau Yves et que vous le voulez dehors du gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qui revient sans arrêt, ça, en politique. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le monter, il fait la job tout seul. Non, mais vous ne pouvez pas y laisser une petite chance. Il est habitué d'être à la santé, Yves. Puis là, il est catapulté à l'éducation. Il connaît très peu ça, visiblement, l'éducation. Et, je comprends ça, qu'il est tellement habitué à être à la santé qu'il n'a pas voulu le lâcher pendant tout le temps qu'il était dans l'opposition. C'est pour ça qu'il a touché 3 salaires pour le même temps. Ah, mon Dieu, vous êtes dur avec lui. Mais vous ne lui donnez même pas une petite chance au pauvre Yves Bolduc? Bien, je pense qu'il devrait peut-être faire un peu plus de lecture. Elle a préparé ses lignes, quand même. Hein? Et ça, honnêtement, on va le noter. Je sais que la course au PQ commencera à intéresser de plus en plus de gens dans les prochaines semaines et prochains mois. On va avoir les règles bientôt, d'ailleurs, pour la course. Et il y a des gens qui se sont déjà prononcés. Hein? Je pense qu'il y a Pierre Carl, il l'a pas dit, mais comment? On le sait. Hein? Est-ce qu'on le sait, Martine? Come on. OK. Bon. Il y a aussi Bernard Drainville. Oui. On parle de Jean-François Lisée. Alexandre Cloutier aussi. Ben, a laissé transparaître des rumeurs comme quoi il pourrait peut-être se lancer. Il va y avoir du monde quand même. Ben je pense qu'il va y avoir du monde. Puis ça, c'est une bonne affaire. Hein? Oui. Qu'il y ait de la relève. Là, on dit qu'il n'y a pas de relève. Il y a de la relève. Puis est-ce que Martine Ouellet va se présenter? Parce que vous avez une page d'appui également qui, franchement, commence à fonctionner pas mal. Bel essai. C'est en réflexion. Ah, c'est en réflexion. Parce que là, si vous y allez, il ne restera plus grand monde qui ne sera pas dans la course au PQ. Ce serait bien fâchant qu'il n'y ait personne pour voter. Non, mais pas de blague, là. Quand est-ce qu'on sait qu'on va aller dans une course à la chefferie? Est-ce que vous le savez déjà, mais vous ne le dites pas? Est-ce que vous préparez depuis la... Mais non, mais c'est parce que ça prend quand même de la job, se lancer dans une course comme ça, parce qu'on a vu quand même que ça a démonté pas mal de monde. C'est pas un parti facile pour aucun des chefs qui prend la tête de ce parti-là. On se rappelle d'André Boisclair, qui est la vraie dernière course à la chefferie en 2005. Et l'autre avant, elle date de quand même assez longtemps. C'était quand? C'était Pierre-Marc Johnson. Et mon doux Jésus Seigneur, bon. Des succès. Continuez à tweeter, Jean-Sébastien Girard. Je vais prendre des questions pour Mme Ouellet. Ah mon Dieu, vous travaillez sans arrêt. Hein. Ouais. C'est fou. Non, mais pour vrai, est-ce que c'est compliqué de préparer une course à la chefferie? C'est quand même pas rien, une course à la chefferie. Non, je sais. C'est tout un parti. C'est pour gouverner le Québec. C'est pas juste pour gouverner le Québec. C'est pour faire avancer le Québec puis construire le pays. Donc, c'est sûr que c'est des réflexions qui sont importantes. Puis on peut pas décider à la légère, c'est clair. Il y avait la question, je sais, vous pouvez me permettre. Ah, Fred Savard, Jean-Philippe, vous pouvez faire tout ce que il y avait peut-être l'idée d'ouvrir le vote à des non-membres du Parti québécois. Ah, oui. Mais là, vous n'avez pas tranché, mais est-ce que cette réflexion-là se poursuit? Cette réflexion-là se poursuit. Est-ce que ce sera un vote ouvert ou un vote aux membres? Oui. Mais il faut savoir que les... Parce que les libéraux ont fait ça hein, au fédéral, puis c'est Justin Trudeau qui s'est retrouvé chef, fait que ça pense si bien quand même. Ben... Ouais. Vous riez, Fred, mais les sondages pour les libéraux sont très bons. Hein. Ah non, mais je ris pas du tout. Ben, vous... Non. J'ai pas d'opinion, ces sondages. Ça paraissait pas. Oui. Mais sans blague, est-ce qu'on y pense pour vrai? Parce qu'il y a des avantages. C'est intéressant quand même. Ben, moi, je pense que ça pourrait permettre... Mais ça dépend toujours des règles. Hein, parce qu'on dit toujours le diable est dans les détails. Là. Mm-hmm. Ça dépend toujours des règles qu'on va se donner. Fait qu'il faut quand même qu'un vote ouvert faire, les gens deviennent... Bon, on a des membres d'un côté, pourraient devenir... Là, j'invente le mot qui n'existe pas dans nos statuts, pourraient devenir un adhérent. Mm-hmm. Donc, avec un coût, une carte de membre, c'est 5 $. L'adhérent, je ne sais pas, sera 2, 3, 5 $, je ne sais pas. Et à ce moment-là, en signant comme quoi qu'il adhère à une certaine vision pour le Parti québécois, et ça permet d'ouvrir. Puis je pense que ça ne serait pas mauvais. Moi, je pense que c'est important qu'on aille le débat sur le vote ouvert, parce que c'est important que le Parti québécois s'ouvre à l'ensemble des gens intéressés par la politique. Mais il y a besoin d'ouvrir le Parti québécois, parce qu'on rit un peu, puis on dit que c'est volage, les sondages. Il demeure que ça ne va pas vraiment bien. Oh, il y a du travail à faire, il faut se relever les manches. On a eu toute une claque le 7 avril. Là. Ben, ça a dû faire mal. Donc, moi, j'ai été sonnée pendant, je peux vous dire, un bon 2 semaines. Donc, c'est toute une expérience. Mais là, il faut se relever les manches. On s'en remet, il faut se relever les manches. On a du travail à faire pendant 4 ans. Dernière question, Martine Ouellette. Pouvez-vous nous expliquer le projet de loi 3 rapidement, je te dis, en 20 secondes, parce qu'on n'est pas très... Ben oui, j'ai entendu ça au début, la question du jour. Moi, je vous dirais que c'est un projet, dans son préambule, qui se prétend pour la pérennité des régimes de retraite, mais que ça ressemble pas mal plus à un nivellement par le bas. Ah, mon Dieu! Je rentre-tu dans les 20 secondes? Ben oui, vous avez encore 10 secondes pour varloper le Parti libéral, si vous voulez, là. 6, 5, 4, 3, malheureusement, c'est tout. Vous restez avec nous, Martine, quand même. Avec plaisir. Je veux aller en Russie. Je veux trouver mon hôtel idéal. Pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Un hôtel trop loulou. Merci. C'est la météo. Émission de service, ben, évidemment. On offre la météo. Et je veux féliciter les gens de la Colombie-Britannique parce qu'il fait très beau aujourd'hui là-bas. Ah oui, franchement, un coup de chapeau. Ouais, Prince George 22, Vancouver 22, des petits chiming de nuages, mais ça ne durera pas. Ça va moins bien, par contre, en Saskatchewan. Saskatoon, 10 degrés. Ça se peut pas, ça. Il pleut. Il fait très beau au Québec également. Montréal 28, Québec 26. Ils sont sûrement encore jaloux qu'il fait un petit peu plus chaud à Montréal. Et dans les Maritimes, on a Saint-Jean, à Terre-Neuve, 12 degrés aussi. C'est très varié, hein? Oui. Avec très nuageux. Charlottetown, 21, ensoleillé. Halifax, 19, ensoleillé. Et Iqaluit, 10 degrés. Passage nuageux, 10 degrés également. Okay. J'ai fait une moyenne. Oui, et la moyenne. Au pays, présentement, il fait en moyenne 18,7 degrés Celsius. Ah, ben ça, c'est important. Ça donne une idée. On n'a pas à avoir honte, je pense, de notre température. Non, vous avez raison. Et pour poursuivre dans l'idée d'être une émission de service, on aimerait ça... parler de circulation. Je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est choquant d'écouter la radio et d'être dans un bouchon et de ne pas avoir été averti. Évidemment, le territoire est grand. Alors, on demande aux gens qui sont en auto et qui nous écoutent de nous envoyer des messages à notre adresse. C'est lasoirée@radio-canada.ca et nous avertir, genre, sur l'autoroute 15. Il y a beaucoup de trafic. Prenez la 13. Évidemment, faites-le pas tous en même temps parce que là, il va y avoir du monde sur la 13 aussi. On va devoir tourner sur la 15. Mais en tout cas, d'abord, c'est partout au Canada. Mais je peux vous dire quand même que sur la rue Bernard, en ce moment, c'est très beau. C'est très, oui, la circulation fluide, très fluide. Mais là, vous demandez aux automobilistes d'écrire pendant qu'ils sont au volant. Oui. OK. Je prends si des sont en embouteillage, ils ne roulent pas, en théorie. Ils pourront nous écrire. Et si on n'a personne qui nous écrit, c'est que tout le monde roule. C'est parfait. On ne se plaindra pas de ça. Merci, Fred Savard. Jean-Sébastien Girard, vous avez une nouvelle tâche cette année. Oui. C'est de nous apprendre les anniversaires du jour. Absolument. Toujours dans l'esprit d'une émission de service. Alors, ce sera l'anniversaire du jour aujourd'hui. Oui. Alors, je souligne que c'est l'anniversaire du journaliste Marc Laurendeau qui souffle aujourd'hui 74 bougies. Déjà, le temps passe vite. Monsieur Laurendeau est donc vierge. Son signe est lapin, puisque son année de naissance est 1939, ce qui en fait un lapin vierge. Voilà. Donc, évidemment, j'aurais envie de dire bonne fête, Monsieur Laurendeau, profitez-en, etc., etc. Mais on le sait, évidemment, Monsieur Laurendeau n'a jamais le cœur à la fête à la fin du mois d'août. Je pense qu'on se souvient que c'est un 31 août que la belle Lady Diana est devenue un ange. Oh. Ben oui, et Monsieur Laurendeau, évidemment, est un grand spécialiste de la monarchie. Oui. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Les gens ne connaissent pas réellement mes collaborateurs Fred Savard et Jean-Sébastien Girard dans cette émission, car ils sont très peu. Hein, c'est notre troisième saison. Mais vous ne vous révélez pas suffisamment. Ah, je sais. Et moi, je les connais très bien. Et dans le bureau, ces deux-là peuvent discuter pendant des heures de vieilles actrices ou de vieux acteurs québécois et de leur rôle dans les plus vieux téléromans qui existent. Ils ont une connaissance fascinante. Oui. Ah, oui. Alors, toujours est-il que la meilleure façon d'utiliser leur vaste champ d'expertise pour vous divertir est ce nouveau jeu questionnaire Morte ou vivante. Oui. Hein? Le quiz qui a pour but de parler de notre télé par le truchement d'une vieille personnalité québécoise. Et on commence cette semaine notre nouveau quiz Morte ou vivante, à savoir si la personne est morte ou vivante. On se demande toujours ça dans un party. Coudain, es-tu morte, elle? Ben oui. Ben c'est ça. Alors, l'idée est de jouer à ça. On va comptabiliser les points. On n'a pas été averti d'avance, là, ben pour le dire. Jean-Philippe prépare ça tout seul avec notre équipe de recherchistes. C'est un jeu. Oui. Alors, chacun de vous deux, vous êtes prêts de vos déclencheurs. Oui. On les teste, Fred, Jean-Sébastien? OK. Fred? Hey! OK. Alors, vous êtes prêts parce qu'on va comptabiliser ça sans blague. Oui. Et ça nous sert évidemment de parler pour de la télé québécoise là, pendant 2-3 minutes. Oui. Un peu les enfants de la télé avec de la drogue. Exact. C'est la même chose, c'est intéressant. Je dirais, sans Edith Cochrane. Et bon, alors, la première actrice qui est morte ou vivante, Colette Courtois. Oh là là! Ça, c'est une colle. Mais je suis très jeune. Je vais tenter ma chance. Hé hey, hé! Hey! Alors, allez-y. D'après moi, elle est décédée. Jean-Sébastien? Trois répliques. Je dirais vivante. Oui, vous avez deux choix. Alors, Colette Courtois, est-ce que vous connaissez non. la réponse? Et je ne sais pas, non. Colette Courtois est décédée le 18 juillet 2010. Fred, vous avez gagné, mais vous ne connaissez pas du tout ben Colette Courtois. J'ai l'impression, je suis en train de changer, je pense qu'elle a joué dans Les Survenants. Oui, tout à fait, en 1957, c'est extraordinaire. Mais j'ai le vieux coffret, moi, de Radio-Canada, on a fait un coffret de VHS, des vieilles, bon, il oui, y avait oui, Le Survenant oui. là-dedans, et vaguement, j'aime regarder les génériques de temps en temps. Never mind. Oui. Ben oui. C'est oui. Quoi, la scène de Béatrice Picard. C'était le patois dans, qu'on entendait dans, dans Le Survenant de Jean Coutu. Ouais. Pas le pharmacien, le comédien, évidemment. Ah. Et on poursuit avec une autre question. Il y avait la scène aussi où Béatrice Picard était morte sur sa chaise, qui a beaucoup marqué l'imaginaire dans. Et j'ai dans lu le roman également. C'est tout ça, c'est beau. Ah, c'est très mais quand beau. Même. Ça se passe dans la région de Sorel, une belle région Sorel. En l'honneur de Colette Courtois, quand même, on rappellera qu'elle a joué dans Le Survenant, ouais. dans Marie Didas. Ah. Ben voyons, vous connaissez ça pour vrai? Oui, oui. Marie Didas, c'était pas avec, peut-être vous pouvez m'aider, avec l'aubergiste dans Sous un ciel variable, Patricia Nolin. Ah. Patricia Nolin, qui oui, jouait dans c'est Marie possible, Didas. Mais là, je peux OK, pas bon, confirmer. Attendez un peu. Là. Sous le signe du lion dans les années 60, mm-hmm. elle a joué dans La Balsamine en 62. Les Forges de Saint-Maurice, elle jouait Ida Godard. En 65, Tancré Basile. Tranquillement, les gens quittent le M. c'est en l'honneur de Colette Courtois, messieurs. Vous, oh, non, je comprends. Vous vouliez jouer à ce jeu-là? Fait, oui. Alors, assumez. Oui. Elle a joué dans Coyote dans 1992, Au nom du père et du fils, dans Nuit de noces en 2001, même. Et dans Bijoux de famille, un court-métrage de Martin Talbot. C'est pas rien, ça. Non, c'est pas rien. Et elle jouait le rôle titre. On enchaîne avec l'autre question. On enchaîne avec un autre segment, je pense. Histoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Alors, toujours dans cette optique d'émission de service. Vous avez vraiment plus d'un atout dans votre sac. Énormément. La génération des Y ne sait rien, c'est connu. Hein, oui. Aucune culture générale. Non. Ils n'ont lu aucun livre. On en a une preuve flagrante depuis déjà hier avec Jean-Philippe. Toujours sur leur petite machine du diable. Hein, c'est juste ça. En fait, je pense que si on mesurait leur capacité de concentration, on aurait des résultats qui se compareraient peut-être à un opossum mâle de 6 ans pour la concentration. Et en histoire générale, c'est encore pire. Et on sait qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple condamné. Et comme nous sommes une émission de service, je l'ai dit, on a pensé présenter un segment historique à l'usage des Y afin de vulgariser des événements qui ont marqué le monde. Et on commence cette semaine en grand avec la guerre de 1914-1918, la Première Guerre mondiale, dont on commémorait les débuts il y a 100 ans cet été. Il faut dire qu'à l'origine, le 20e siècle a vraiment existé, même si c'est un siècle qui s'est déroulé entièrement avant que les Y ne viennent au monde. Il faut quand même le préciser. Et au début du 20e siècle, il y a un continent qui domine, et je vous lance la question, là, quel continent domine au début du 20e siècle, à votre avis? Lui du milieu. C'est-à-dire l'Europe, bravo. L'Europe. Oui, je sais, ça peut être difficile à croire que l'Europe dominait, alors qu'aujourd'hui, c'est un continent en faillite. Mais en 1914, il règne sur le monde, dominé par quelques pays qui ont des empires coloniaux. Je sais, c'est difficile à croire aujourd'hui pour un Y qui ne connaît que deux empires, son nombril et Apple. Mais à l'époque, il y avait plusieurs empires. Le Canada lui-même était encore une colonie britannique à cette époque et a regardé certaines des priorités de notre bon gouvernement. On se croira encore une colonie, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en 1914, ces empires sont regroupés en deux grandes alliances. Messieurs, lesquelles? Ah, ben là, j'écoutais pas. Il y a du contenu, là. Restez avec nous, Jean-Philippe. Restez avec nous. Deux alliances. L'Empire et les rebelles. Du tout. Quelque chose se trouve en croix. La triple alliance constituée de la Russie, du Royaume-Uni et de la France. Il y a encore une grande nation, hein, la France, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, où elle n'est pas l'ombre d'elle-même. D'ailleurs, parlant d'ombre, il y a Brigitte Bardot, cette semaine, qui a qualifié Marine Le Pen de Jeanne d'Arc des temps modernes. Quand est-ce qu'on la brûle? Pour les Y. Elle est en train de se brûler elle-même. Pour les Y qui ne connaîtraient pas de Brigitte Bardot, c'est une sorte de Jeannette Bertrand qui entretient une relation ambiguë avec des phoques canadiens. De l'autre côté, il y a la Triple Alliance qui regroupe l'Italie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, pays d'origine du patronyme Pabst, qui nous a donné cette bière infecte que les hipsters apprécient tellement. Et si je vous donne la date du 28 juin 1914, que me dites-vous? Franz Ferdinand. Bravo! L'archiduc François Ferdinand et sa femme sont assassinés à Sarajevo, en Bosnie. C'est pour ça que le groupe écossais a pris son nom et non pas l'inverse, Franz Ferdinand. L'attentat sera le prétexte à l'Autriche-Hongrie. Attention, il y a du contenu, revenez. Pour déclarer la guerre à la Serbie. Comme la Serbie est sous la protection de la Russie, les Russes envoient des troupes à la frontière allemande qui est sur le gros nerf et les Allemands déclarent la guerre à la Russie le 1er août. Deux jours plus tard, l'Allemagne déclare aussi la guerre à la France. Pourquoi? Il était fâché. Parce que l'Allemagne et la France se détestent mutuellement depuis la guerre franco-allemande de 1870. En même temps, on peut comprendre l'Allemagne. C'est tellement facile de détester les Français. L'Europe entière entre en guerre. On pense que ça va durer que quelques mois. Les soldats partent avec le sourire et contrairement aux hipsters, c'est un sourire sans aucune ironie. Pendant les deux premières années, la guerre piétine sans que les belligérants ne fassent de grandes avancées. Mais en 1916, un nouveau joueur entre dans la guerre. Qui est-il? C'est Maurice Richard. L'Empire ottoman, bravo Olivier. Mais là, je n'entrerai pas dans les détails. Je vais abréger un peu. On le sait, les Y n'ont pas une grande capacité d'attention et je sens qu'on commence à les perdre. 1917, les Allemands envoient leur fameux sous-marin U-Boot pour couler les navires marchands qui ravitaillent l'Europe. On veut affamer l'ennemi. Quelle sera la conséquence principale? Ils vont avoir faim. Ils coulent des navires américains, ce qui précipitera les États-Unis en guerre au début de l'année 1918. C'est des questions larges. Ben non, franchement. L'arrivée des Américains va faire basculer la guerre et l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Et si je vous dis Versailles, vous me dites quoi? Château. Traité de Versailles, franchement, château. Traité de Versailles signé le 28 juin 1919 qui établit l'Allemagne comme grande responsable de la guerre. Ça va paver la voie à la Deuxième Guerre mondiale. Là, je pense sur le démembrement de l'Autriche-Hongrie qui a créé toutes sortes de pays fantastiques comme la Roumanie, la Hongrie. L'Empire ottoman est aussi démembré. L'Alsace et la Lorraine sont restituées à la France et la Quiche est enfin réhabilitée. La Quiche a été interdite ses jours en France pendant toute cette guerre-là. C'est extrêmement triste. Cette guerre sera la plus meurtrière que le monde ait connue. Elle verra également apparaître quatre nouveautés dans le monde militaire qui sont... Utilisation des gaz toxiques. Mais j'anime ce show-là, je peux pas tout savoir. Ben non, mais utilisation des... ça s'appelle une formation académique à l'école. Utilisation des gaz toxiques, introduction des combats aériens, introduction des chars d'assaut et apparition de la guerre de tranchées. Et la guerre de tranchées a amené également quelque chose, un surnom que les soldats français avaient. On les appelait comment, les soldats français? Les barbus. Non, presque. Ben là, les poilus. Voilà, les poilus. Parce que dans les tranchées, évidemment, ils n'avaient pas d'eau, pas d'iPhone avec l'application « Se raser ». Et ils sont devenus poilus. C'est encore tellement une fois, niaiseux. Les hipsters n'ont rien inventé avec leur grosse barbe affreuse. La seule différence, c'est que les Y font le choix d'être laids, contrairement aux soldats français. Et si vous voulez avoir un exemple de proto-hipsters, les premiers hipsters, allez voir le film. On parlait de François Truffaut en début d'émission. Oui, allez voir le film Jules et Jim. Vous avez l'exemple des premiers français. Ils ont toutes des moustaches. Ils font de la savate française, ne travaillent pas et ont de l'argent. C'est tout à fait les hipsters d'aujourd'hui. Bravo, Fred Savard. Bravo. Enfin, un peu de contenu dans cette émission. Merci énormément. Eh bien, Olivier Niquette, c'est vos sports. Il y a du ping-pong dans vos sports, hein? Oui, on en parlera peut-être un jour. Ben, peut-être un jour. Ou pas. Effectivement. Mais je vais commencer en vous lisant un extrait d'une dépêche de l'AFP que j'ai reçue hier soir. Ça dit « 6 personnes ont fait des malaises, l'une devant être hospitalisée samedi au Festival du film d'Angoulême lors de la projection du film québécois sur Geneviève Janson, La petite reine, après une scène d'injection de produits dopants et de sang ». Un vrai drame. Mais des fois, là, c'est vrai que les films de sport, ça a cet effet-là. Moi, dans l'avion cet été, je me suis évanoui dès les premières minutes du film. Il était une fois les boys. J'ai jamais aussi bien dormi dans un avion. Incroyable. Sinon, hier, on vous disait que l'Impact jouait et ils ont perdu 4-2 contre les Red Bull de New York et le grand Thierry Henry qui en a mis deux dedans. 4-2, c'est quand même quasiment un score de hockey, ça, là. Et d'ailleurs, certains ont sourcillé devant leur radio hier quand j'ai dit que Canadien était toujours d'actualité, mais Je ne sais pas si vous avez vu la une du journal de Montréal ce matin. Il y avait la grosse face de Michel Therrien. C'était écrit « Heureux au travail et à la maison ». C'est-tu pas de la nouvelle, ça? Mais c'est hein? ça que les gens veulent entendre. Il faut dire que comme Québécois a des droits de diffusion du Canadien cette saison, il faut mousser l'équipe. Hein? Et TVA Sports a trouvé plusieurs experts pour le faire, dont Simon Gagné, qui nous expliquait cet été avoir déjà reçu un appel de Mike Richards pour l'inciter à signer un contrat avec les Flyers. On l'écoute. Richard m'avait appelé pour me tenter la perche Il m'avait appelé pour me tâter la perche et puis... Ça ne nous regarde pas, ça, franchement. Et puis... C'est tellement personnel, cette édition-là. D'ailleurs, Simon Gagnon est invité au camp d'entraînement des Bruins. On lui souhaite de ne pas trop se faire tâter. À lui, il n'est pas mort de ne pas avoir lu de livre, lui, hein? Non. OK, continue. Enfin, c'est Daniel Ricciardo, qui est un Australien, qui a un drôle de nom, ben ouais. a remporté le Grand Prix de Belgique devant Nico Rosberg et Valtteri Bottas. Hier, je vous disais que ça allait pas très bien entre Hamilton et Rosberg. Là, les deux coéquipiers, ben, ils sont rentrés dedans. Ah ben, c'est fou quand même. Mais j'aimerais surtout vous parler aujourd'hui du Ice Bucket Challenge. Vous avez peut-être entendu parler c'est quoi de ça. C'est ça. Je vais vous expliquer. Le concept est simple. Tu te verses de l'eau glacée sur la tête pour sensibiliser les gens à la maladie de Lou Gehrig. Ça a été initié par un ancien joueur de baseball. Vous connaissez le baseball, Jean-Sébastien? La maladie a été initiée par un ancien joueur de baseball? Non, le Ice Bucket. OK, d'accord. D'une université américaine qui s'appelle Pete Frates, et ça a été aussi initié par Vanilla Ice, gars qui rappe pas en franglais. Bref, ça a tellement ça nous roulé... permet de pas fondre. Exactement. Il y a de la glace. Ouais, c'est génial. Ça a tellement roulé sur les réseaux sociaux qu'on a presque oublié c'était quoi la cause. Un peu comme Jonathan Huberdeau, la vedette des Panthers de la Floride, qui parrainait cette semaine un boot camp pour une excellente cause. Ouais, la première participation, je suis pas mal excité de voir comment c'est, puis c'est pour une bonne cause aussi. C'est quoi la cause? Je ne suis pas vraiment mis là-dedans, je ne suis pas sûr c'est quoi la cause. Ben oui, c'est une cause qui me tient énormément à cœur, mais je ne sais pas c'est quoi. Pour en revenir au Ice Bucket, moi, mon défi du sio de glace préféré, là, c'est celui de Georges Larac, tout simplement parce qu'il l'a annulé après l'avoir fait. Il écrivait vendredi sur sa page Facebook, je le lis, ça a été difficile parce qu'il ne met pas d'accent, Georges, mais en tout cas. « Je ne savais pas que des millions ramassés pour le défi Ice Bucket Challenge seraient utilisés sur des animaux pour la recherche sur cette maladie. Je regrette d'avoir participé à ce mouvement. Les tests sur les animaux doivent cesser. C'est totalement inacceptable. » Et c'est drôle parce que Stéphane Gendron, a écrit un commentaire en dessous. C'est « Les nazis testaient sur des humains, les Nord-Coréens aussi. C'est ça qu'ils préconisent. Un autre point nazi! Oui! » Mon Dieu! Mais là, attendez que je compte ça. Stéphane Gendron. Ça, mais excuse-moi, Georges l'a fait puis il l'a retiré après. Oui, c'est séché. Quand c'est nul, tu sèches. Il sèche les cheveux. C'est le défi du séchoir à cheveux. Oui, je pense que c'est ça. Ah, c'est bon. Mais ce qui est encore plus drôle... Il s'était croisé les doigts, donc ça compte pas. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à la question du Journal de Montréal, à savoir si Larac allait aussi se faire rembourser le don qu'il a fait à la Fondation pour la maladie, il a répondu qu'il n'avait pas fait de don parce qu'il avait payé une compagnie pour faire sa vidéo de Ice Bucket et que ça avait coûté trop cher. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de don. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais en tout cas. Juste lui rappeler un des 10 conseils du pape. J'allais dire se mouvoir avec bienveillance, mais ce n'est pas celle-là. Vivre et se donner aux autres. Bon, ça, je voulais dire. Je vais enchaîner en vous disant Laboratoire. Le fait de recommencer à parler de sport comme à l'époque du Spornographe, une émission qu'on a animée jusqu'à il y a 3 ans, ça m'a rendu nostalgique. C'est ça, 3 ans? Ben, je ne sais pas. Ben, oui, je sais pas. Et vous vous souvenez que c'était les 3 accords qui avaient fait le thème de l'émission? Ben, je m'en souviens comme si c'était il y a 3 ans. Chanter ça un petit peu, peut-être un extrait? C'est-à-dire du thème? Non. Mais alors, les gens dans le public le savent, je pense. Ouais. Allez-y donc, moi. Ouais. Ah bon, c'est ça. On va mettre c'est un bel essai. Honnêtement, c'est correct. Fait que j'ai décidé de vous mettre une petite toune des 3 accords. Ça va faire changement du rappeur chic. Moi, je suis pas toujours un grand fan des 3 accords, mais cette pièce-là, je trouve qu'elle a du punch et mes enfants l'adorent. Alors, on écoute Bamboula des 3 accords. On a demandé aux gens de nous parler de leur circulation, et puis on a reçu des courriels et... C'est ça le direct. C'est ça. Hey, bravo Fred, bienvenue. Frédéric Savard. On a un courriel de Nick Provost qui nous dit il y a une vanne sur la... Il y a une vanne sur le côté en plein milieu de l'autoroute 2 qui relie Moncton à Shediac et c'est donc bloqué. Et c'est de Nick et Stéphanie qui fêtent leur premier anniversaire de concubinage. Oh, bravo! Hey, mon Dieu! Déjà. Bien, ça va vite, la vie, hein? Alors, on évite la 2. On évite la 2, vers Chédiac. Et Fabien Elliott qui nous dit que la circulation à Saint-Lucien, tension, c'est l'heure des chevreuils et des dindons sur la 122. À Saint-Lucien, c'est dans quel coup? Visiblement, c'est très, très important. D'ailleurs, il y a Patrice Loisel qui nous rappelle aussi que les chroniques de Fred Savard sont beaucoup trop longues. J'ai eu le temps de recevoir des notifications Facebook ça, et de décrocher. Enfin, j'ai dit ça comme ça. C'est le moment du courrier du cœur. Alors, pauvre Patrice Loisel, hein, une autre chronique de Fred Savard. C'est comme évident que c'est Fred qui s'occupe de ça. Hein? Ouais, un courrier du cœur. Je voudrais que je ne serais pas capable. Non, c'est le tendre. Exactement, André, tu compris, nous sommes une émission de service. J'ai pensé offrir à nos auditeurs un courrier du cœur, une tribune pour les gens qui vivent des difficultés amoureuses et ou familiales. Vous savez, j'ai un enfant, ce qui fait de moi un spécialiste d'à peu près tout. Et cette semaine, j'ai reçu cette lettre. Bonjour Frédéric, j'ai l'impression que mon mari est en train de virer anorexique. Il a perdu 60 livres, il est devenu tout maigre et il pense encore qu'il a une bédaine. Il s'est mis à s'entraîner 6 jours par semaine et pense même s'inscrire à une compétition de Ironman au printemps prochain. Et c'est signé Aline No de Dorval. Aline No? Une veuve du jogging, de la natation et du vélo. Je n'ai pas l'âge du mari de Madame No, mais je peux deviner qu'il a un certain âge, hein, puisqu'il pense avoir une bédaine et qu'ils sont mariés. Alors, c'est pas un jeune, nécessairement. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'on peut éliminer déjà la thèse de l'anorexie, puisque M. No ne semble pas être une jeune adolescente de 13 ans. Mais le fait qu'il s'entraîne 6 jours par semaine et veuille faire un Ironman nous indique certainement quelqu'un qui souffre de faire la diète paléolithique, une maladie de plus en plus répandue. Vous en avez sûrement entendu parler. Les symptômes sont les suivants. On arrête de manger du pain, des patates, du riz, des pâtes et des produits laitiers et on s'empiffre de viande, de légumes crus et de petites baies, exactement comme les hommes du paléolithique. Des noix aussi. Des noix aussi. C'est une maladie extrêmement répandue. Ça, ce n'est que le premier stade de la maladie. Puisqu'après, on jette ses vêtements pour ne s'habiller que de peau de bête. Et au stade final, on abandonne son logement pour aller vivre en meute dans une grotte à Radun. Comment faire pour reconnaître la maladie? Si vous voyez quelqu'un qui mange un hamburger et qu'il remplace les deux pains par deux feuilles de laitue, c'est qu'il souffre du paléo et c'est véridique, ça existe. J'en connais. Je ne les nommerai pas, mais je vais me tourner vers eux et je vais faire « Allô, Jean-Philippe ». Alors, pour un couple, évidemment, c'est très dur. Il n'y a qu'une seule solution, Madame Aline. Vous devrez vous mettre au régime paléo afin de fondre et de disparaître en compagnie de votre mari ou tout simplement le quitter pour un agent d'assurance de la région de Sherbrooke. Alors, si vous avez des problèmes, les gens à la maison, des questions, vous pouvez m'écrire. Et là, c'est véridique parce que j'aimerais, là, on rigolait un peu, mais j'aimerais quand même me pencher sur vos problèmes à la maison. Vous prenez votre voix grave. Oui, tout à fait. Alors, vous m'écrivez à la soirée @radio-canada.ca et je me ferai un plaisir de vous aider. Je serai un peu la Louise Deschâtelet de l'émission, tout simplement. Ou la Solange Harvey. Mais non. Ça, c'est trop loin. C'est une référence qui est trop loin, mais oui, voilà. Je peux te revenir à la feuille de salade qui remplace le pain. Quel innocent fait ça? Jean-Philippe. Non, mais je vais le dire, là, c'est... On a fait des réunions pour préparer cette émission-là. C'était grotesque. Et il nous fait des burgers qui sont, cela dit, excellents. Merci. Des boulets de la mort. Et là, je le vois. Je savais qu'il faisait le paléo. Je le vois enlever son pain et mettre 2 grosses laitues pour manger son burger. C'est déjà la fin de l'émission, mon frère. Non, mais ça passe extrêmement vite. Et ce qui est triste, c'est qu'il met la salade dans le toaster. C'est ça. Elle est croustillante, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais on rit, hein, mais c'est la fin de l'émission. Déjà. J'aurais continué la discussion, hein, pas de blague, parce que c'est un régime extraordinaire. Non, mais tout à fait. Avant de se quitter, j'aimerais passer la parole à Jean-Sébastien. Oui, enfin, j'ai été très absent de cette dernière heure-là. Il y a beaucoup de gens ici qui mentionnent. Sinon, déjà, Jean-Sébastien Girard. Oui, voilà. Ouais. Beaucoup de courriels pour Mme Ouellette, très heureux. Alors, premier courriel qui va comme suit. Bonjour, Mme Chose. Je dois vous dire que je ne vous connaissais pas beaucoup avant l'entrevue d'aujourd'hui et je viens d'avoir un coup de foudre solide pour vous. Des messages gentils. Je craque littéralement pour les gens qui ont beaucoup d'humour. Et évidemment, pour accepter de venir faire une entrevue à l'émission La soirée est encore jeune, ça prend beaucoup d'humour. Ça en prend aussi beaucoup pour penser que vous pourriez devenir chef du PQ. Oh. Et c'est signé Bit Drainville. Ah. Ah, es-tu bête, hein? Franchement! Ouais. Ah, mon Dieu! Un deuxième Bertrand courriel. Drainville. Est-ce qu'on a le temps d'un autre? Ben oui, allez-y. Oui, voilà. Alors, bonjour. Vous êtes mère de 2 enfants. Ouais. Ça vous tente pas de laisser tomber vos projets de devenir première ministre? Retournez donc dans votre cuisine faire du roast beef, c'est mieux pour tout le monde. Anyway, la dernière fois qu'une femme a dirigé le PQ, elle a tout cochonné la province et c'est signé P. McKay. Ah, P. McKay. c'est Pierre. Pierre Mekkay. Pierre Mekkay. Ouais, okay. Voilà. Ouais, merci. Et un dernier courriel qui va comme suit. Bonjour. Vouloir être à la tête du Parti québécois et espérer le faire revivre, est-ce un peu de l'acharnement? N'êtes-vous pas en train de refuser de mourir dans la dignité? On vous donne la parole pour un petit temps. C'est signé qui, ça? Personne. Normalement, je ne lis pas les courriels anonymes. Je ne suis pas correct, mais on a du temps à combler. Je veux dire, si vous n'avez pas... assumez-vous, là. Non, mais il faut signer, au moins, franchement. Mais quand même, Martine, j'espère que vous n'avez pas envie de mourir dans la dignité au PQ, quand même. Certainement pas. Mais quand on me dit qu'il faut s'assumer, je pense que c'est ça pour le Parti québécois. Il faut qu'on s'assume pour l'avenir et c'est ça qui va faire la différence. Bonne chance, Martine Ouellet, dans la course à la chefferie, car vous allez vous présenter, vous l'avez annoncé ici. Merci à André Robitaille. J'ai envie de me présenter aussi. Moi, je décide ça. Là. Honnêtement, c'est ouvert. Tout le monde va y aller. C'est ouvert. On fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Ah, mon Dieu. J'ai le temps, d'abord. Ben là, vous avez déjà joué dans le dîner de cons. C'est une petite blague. Voyons donc, il n'y a rien de méchant. Mathieu, on se revoit bientôt. Merci pour la chronique politique. Plaisir. Évidemment, merci à toute l'équipe. Olivier, est-ce qu'on a encore des gens qui nous ont répondu sur la question du projet de loi 3? Bien sûr. On en a des tonnes. Des pour vrai? Il faut juste que je retrouve mon petit papier. Ah, mais non, mais allez-y. Hein? Oui, Richard Dufour, je sais pas, mais j'ai tellement hâte au projet de loi 4. Ah. Il y a aussi Mélanie Hergé qui dit « J'en comprends que si nous sommes gouvernés par des voleurs, la population en est entièrement responsable. » Bon, elle est amère un petit peu, je pense. Bon. Qu'est-ce qu'on a surveillé cette semaine? Parce que là, on se revoit que samedi, nous. Hein? Fred, qu'est-ce que vous faites cette semaine, vous? Cette semaine, sincèrement, pas grand-chose. non, mais je prépare cette émission-là. Mais je fais une tranche de vie. Moi, je suis un grand fan de la NFL, le football de la NFL. Et là, les camps d'entraînement s'achèvent. Ouais. Alors, je vais surveiller ça parce que je fais partie de poules. Oui, il n'y a pas de traduction en français pour les poules. J'aime beaucoup. C'est mon petit péché mignon. Bonne semaine, qu'est-ce que vous voulez. Ouais, fun, hein? Jean-Sébastien? Oui, ben moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je ne ferai pas. J'écouterai pas ce soir 125 rue Marianne, animé par Christiane Charette. Comment ça? Parce que vous serez là, Jean-Philippe, avec Fred Savard. Ben oui! Et je suis extrêmement blessé de ne pas avoir été invité à vous accompagner. Hein? Je pense que tout le monde sait que j'aime beaucoup Christiane Charette. Je pense que des recherchistes qui dorment au gaz dans cette équipe-là. Alors, je sais que je n'écouterai pas cette émission de ce soir. Vous savez que si on vous avait laissé votre toutou quand vous étiez jeune, là, vous n'auriez pas cette amertume-là dans la bouche. Rechercher la paix, Jean-Sébastien. Ouais. Olivier, vous surveillez quoi cette semaine? Moi, cette semaine, je vais suivre l'émission Les Chefs, demain, 20h, à Radio-Canada. Vous écoutez ça, vous? Mais c'est vrai, vous aimez beaucoup, les chefs. J'espère que Hakim va se faire éliminer parce qu'il m'énerve un petit peu. Ah ben bon, Dieu, on vous le souhaite. Bon, salut. Pour ma part, on va aller voir Christiane Charette ce soir, Fred Savard et moi-même. Oui, pour parler, évidemment, de la soirée de sa nouvelle mouture, parce qu'il nous reste combien d'émissions? Là, on a un calendrier avec des X. Il en reste 80. Ah, mon Dieu. Déjà, hey, c'est pas passé, hein? Oui. C'est pas fini, cette histoire-là. 2 fois 8, 160 heures à faire. 160 heures à faire? Ouais. On s'attache à rien, les gars. On va en mettre du Monique Lérac à ce show-là. Merci beaucoup à toute l'équipe, Marie-Hélène Vautier et Marie-Hélène Girard. Merci à Guy Charbonneau, les capsules. Philippe Robert, je vous le connaissais. Il était là du temps du pornographe. Oui. Il était là du temps de la soirée le vendredi. Il est encore là. Merci énormément à notre réalisatrice Martine Hippolyte. On se revoit la semaine prochaine, samedi, 5h. Bonne semaine!